Ancien président de Radio Courtoisie, il se définit comme un populiste de droite, nationaliste et libéral. Il a outrepassé toutes les frontières du cosmopolitiquement correct. Nous lui devons des formules célèbres comme la réémigration. Jeune Candaule, ce soir, un caucasoïde et un caucaso-congoïde, parlez-vous le lesquinien? C'est tout de suite dans Libéré sur parole avec Henri de Lesquin. Bonsoir, vous êtes bien sûr Libéré sur parole sur patriote.info. Ce soir, je reçois Henri de Lesquin. Bonsoir, monsieur de Lesquin. Bonsoir, Patrick Dante. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Eh ben, écoutez, monsieur de Lesquin, alors vous êtes une nouvelle figure, on peut dire, de la droite nationale. Enfin, nouvelle, pas tellement. J'ai fondé avec d'autres le Club de l'Horloge, devenu Carrefour de l'Horloge en 1974. En Ça ne nous 1974. rajeunit pas. Ouais. Ah, c'était une autre époque, la France n'était ne ressemblait pas à la France d'aujourd'hui. C'est vrai qu'elle a beaucoup changé. C'est la conséquence de mai 68. Il faudra d'ailleurs que je fasse une vidéo sur mai 68. Ouais. Il faut que les gens comprennent ce qui s'est passé. Et justement, oui. Nous sommes passés d'une gauche collectiviste à une gauche cosmopolite. C'est pour cela que j'ai tenu et je tiens à ce que l'on comprenne que la gauche aujourd'hui est essentiellement cosmopolite et beaucoup moins collectiviste. D'ailleurs. Macron est le représentant type de cette gauche. Il est de gauche, contrairement à ce que certains croient, et il est cosmopolite, intégralement Qu'est-ce que cosmopolite. vous mettez derrière le mot cosmopolite pour qu'on comprenne bien? C'est le terme qui convient le mieux parce qu'il est le plus englobant. Alors les gens ont peur de ce mot, pour des raisons ridicules. Alors, ils vous disent mondialiste, sans frontiériste, multiculturaliste. Oui. Tout ça, ce sont des aspects. Le cosmopolitisme, c'est une philosophie qui, en grec, veut dire la philosophie des cosmopolites, des citoyens du monde. Cosmos, le monde, politesse, le citoyen. Qui n'est pas toute jeune, hein. Elle a été fondée par un certain Diogène le cynique, vous savez, le philosophe qui était dans un tonneau et qui se masturbe en public, excusez-moi mesdames. Mais c'est ainsi que. Non, ça caractérise sa philosophie. Et sa philosophie est très simple à définir. Il se dit citoyen du monde pour ne pas se dire citoyen de sa vraie cité. Donc le terme de citoyen du monde, de cosmopolite, est une subreption dans les termes qui vise à rejeter son enracinement, à rejeter le devoir qu'on a envers sa patrie, envers sa cité. Et la définition du cosmopolitisme, cette philosophie qui vient donc de 350 avant Jésus-Christ, c'est le refus des frontières. Mais de toutes les frontières. Pas seulement les frontières physiques, immigrationnisme, supranationalité, libre-échangisme, mais aussi les frontières morales. Les frontières morales au sens large, qui séparent le vrai du faux, le bien du mal, le beau du laid. Et c'est donc cette notion de cosmopolitisme est nécessaire pour comprendre que le prétendu art contemporain, qui est en fait un non-art dégénéré, se rattache aussi à cette idéologie dominante, le cosmopolitisme, dominante depuis 50 ans, 70 ans, et comme le mariage homosexuel, aussi bien que le libre-échangisme et l'immigrationnisme. Tout cela fait système, c'est cohérent. Mais alors, en France, depuis justement les années 70, ce cosmopolitisme, il a été soutenu par quasiment une grande partie de la classe politique, de droite ou de gauche. Progressivement, mais Progressivement. la rupture intellectuelle a vraiment été mai 68, à gauche d'ailleurs, parce que mai 68 a été fait par les trotskistes, ou des maoïstes ou assimilés, comme Bandit ou Krivine, mais ils sont passés en pratique, dans la praxis, comme diraient les marxistes, du collectivisme, l'État partout, à au cosmopolitisme, il est interdit d'interdire. Sauf, bien entendu, les mauvaises pensées, c'est-à-dire le racisme. Et ce qui, pour moi, caractérise juridiquement la mutation de la France, les gens ne le disent pas. Mais nous avons changé de régime. Nous étions en République jusqu'au 1er juillet 1972. Et le 1er juillet 1972, c'est la loi Pleven. La loi, on devrait dire, Pompidou, Chaban-Delmas, Pleven. 1er juillet 1972. Qui a créé la législation antiraciste. Qui a porté, donc une loi liberticide, qui a porté atteinte gravement à la liberté d'expression en France. Qui interdit de parler librement des questions d'immigration. Mais cette loi Pleven, pour moi, représente un changement de régime parce qu'elle a interdit la préférence nationale. Alors la République, c'est la souveraineté de la nation, c'est le régime qui établit la souveraineté de la nation. Cela implique que on préfère le français à l'étranger, le national à l'étranger. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'étranger, qu'on est xénophobe. C'est qu'on préfère. Le Pen que vous invitiez il y a deux jours l'a dit souvent, je préfère mon frère à mon cousin, et mon cousin au premier degré à mon cousin au deuxième degré. Bon. Donc, le prochain, c'est d'abord l'autre français, l'autre national, celui qui appartient à la communauté nationale. Et donc, lorsque cette loi a été prise, les gens ne s'en sont pas aperçus, mais elle a traduit un changement de régime. On n'a pas changé la Constitution, mais on a fait mieux que ça, on a changé l'esprit de la Constitution. On a instauré ce que j'appelle l'État cosmopolite. Donc je soutiens que depuis le 1er juillet 1972, nous ne sommes plus en République, nous sommes dans l'État cosmopolite. Mais la République elle-même ne reconnaissait ni les races, ni les communautés, déjà. Mais bien sûr, la République ne reconnaît aucune communauté. Elle ne reconnaît pas les races. Les races, c'est une question scientifique. La République n'a pas à reconnaître des faits historiques, des événements historiques, elle n'a pas non plus à reconnaître des faits scientifiques comme la division de l'humanité, de l'espèce homo sapiens en races humaines. C'est un fait scientifique. Ce que la République dit, c'est que tous les citoyens membres de la communauté nationale sont égaux en droit, égalité civique. Mais la vraie République dit les citoyens sont égaux entre eux, mais ils sont différents. Il y a une discrimination légitime à l'égard des étrangers. Ce qui ne veut pas dire qu'on les rejette absolument. Ce qui veut dire simplement qu'ils n'ont pas les mêmes droits que les Français. C'est ce qui se pratique d'ailleurs dans beaucoup de pays. Mais en France, ça se pratique pratiquement. D'une part, les personnes privées, les particuliers n'ont pas le droit de préférer officiellement, ouvertement, un autre Français, en vertu de cette loi Pleven, du 1er juillet 1972. Et d'autre part, pratiquement toutes les distinctions juridiques qui existaient très fortement marquées dans le droit français jusque dans les années 1950-1960 ont disparu. Par exemple, encore en 1981, lorsque Mitterrand a remplacé Giscard, il y avait dans le Code du travail une disposition qui demeurait, bien qu'elle fût contraire à l'interdiction de la préférence nationale. C'était une disposition qui n'était d'ailleurs pas appliquée en réalité, mais qui existait dans le Code du travail, qui disait qu'en cas de licenciement collectif, l'employeur devait privilégier les Français par rapport aux étrangers. Évidemment, Mitterrand, avec son idéologie égalitaire et collectiviste et cosmopolite, a fait disparaître cette disposition. D'accord. C'est un exemple. Oui, c'est un exemple. Mais c'est ce qui reste, c'était le résidu de la préférence nationale dans le droit. Il y a encore le résidu du résidu, c'est le fait que, sauf exception, les fonctionnaires doivent être encore français. Oui. Il y avait aussi, dans le genre de même disposition, les actionnaires du CAC 40, il me semble aussi, jusqu'à... qui devaient être français, il me semble. Alors, de toute façon, là, maintenant, avec les règles de l'Union européenne, il ne pouvait pas y avoir de différence entre les Français et les étrangers issus des pays européens, de l'Union européenne, pour ce qui est de l'actionnariat, mais je crois que les accords internationaux ont fait disparaître toute réserve de ce genre. Il faudra d'ailleurs, à mon avis, le rétablir pour, dans un simple protectionnisme, une réserve d'accès à l'actionnariat des entreprises stratégiques. Alors vous, d'ailleurs, vous êtes pour la sortie de l'Union européenne. Vous dites bien sûr. Non, mais ça, c'est un mythe gigantesque. Je demande à nos... peut-on dire téléspectateurs? Oui, on peut le dire. Ouais. Quels sont les pays les plus riches d'Europe, qui sont d'ailleurs aussi les pays les plus riches du monde? Alors, mettons de côté le petit Luxembourg, qui est minuscule et qui n'est pas de la même catégorie. Mais les deux pays les plus riches d'Europe et du monde s'appellent la Suisse, où le revenu par tête d'habitant est de 50% supérieur à celui de la France, et la Norvège. Ni la Suisse ni la Norvège n'appartiennent à l'Union européenne. Et d'ailleurs, c'est extrêmement frappant quand on regarde les taux de croissance de la France. On s'aperçoit que l'ouverture du marché commun, en fait, contrairement à ce qu'on dit, c'est traduit par un ralentissement de la croissance. À l'intérieur de l'Union européenne, il y a ceux qui sont dans la zone euro et ceux qui n'y sont pas. Eh bien, d'une manière générale, les pays qui ne sont pas dans l'euro se portent mieux. Se porte mieux, oui. La Suède, Donc, le Danemark. quand on répète, alors la propagande, à force de répéter un mensonge, les gens croient que c'est une vérité, mais quand on le répète que l'euro c'est une bonne solution, c'est-à-dire, alors, je peux vous, si le sujet vous intéresse, je peux développer la raison scientifique qui explique que l'euro est une mauvaise chose. D'ailleurs, les économistes sérieux, ceux qui n'étaient pas des propagandistes de l'euro, ont tous combattu la création de cette monnaie unique. Pour dire les choses scientifiquement, la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale. Ce qui veut dire qu'il est coûteux, les économies pâtissent de cette fixité des cours de change que représente la monnaie unique. C'est pas l'Allemagne plutôt qu'en profite et les autres qui sont un peu à la traîne. Alors c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. On dit qu'effectivement le cours du change de l'euro par rapport aux autres monnaies comme le dollar profite essentiellement à l'Allemagne. Je n'en suis pas sûr. Je pense que même l'Allemagne y perd puisque. La monnaie unique empêche les ajustements, dans un sens ou dans l'autre, des cours de change, et par conséquent, tous les pays peuvent en pâtir. Et je pense que l'Allemagne en pâtit aussi, un peu moins que les autres. D'accord. La France en pâtit énormément. Mais les pays où l'inflation a tendance à être plus forte, comme les pays du sud de l'Europe, en pâtissent encore davantage. Donc l'euro est honnêtement, scientifiquement indéfendable. Donc, il faudra revenir à des monnaies nationales pour chacun Il d'entre faut nous. revenir à une monnaie nationale. Alors, je prépare d'ailleurs un projet de réforme monétaire qui irait plus loin que le retour à la monnaie nationale, qui consisterait à mettre la monnaie nationale en concurrence avec des monnaies privées, peut-être des crypto-monnaies, et bien sûr avec l'or et l'argent métal qui seraient entièrement libres de négociation, alors qu'actuellement, c'est taxé. Oui, parce que vous êtes. Vous définissez comme libéral. National-libéral. National-libéral. D'accord. Alors, je résume ça d'une belle formule. Oui. Parce que les gens, il y a toujours des gens qui sont bien intentionnés qui me disent on ne peut pas être national si on est libéral ou inversement. J'en dis écoutez, moi, c'est très simple. La preuve que la synthèse est possible entre le nationalisme et le libéralisme, je le dis en une formule. Moi, je propose de brûler le code du travail et de virer les immigrés. Et j'ajoute parfois plaisamment, pas le contraire. Mais oui, bah on y reviendra sur le projet de rémigration, mais sur le côté économique libéral proprement dit, parce que vous avez quand même des formules très fortes. Vous dites, en gros, voilà, on brûle le code du Alors, je vais travail, vous expliquer. C'est-à-dire, ce que je propose de libre faire. marché total. Alors, ce que je propose de faire, c'est. Bien entendu, il faut supprimer le salaire minimum. Ce qui ne veut pas dire que Oui, vous voulez supprimer le SMIC, oui, j'ai Bah évidemment, qui est un facteur de chômage. Le SMIC est un facteur de chômage évident et très important pour la main-d'œuvre aux non qualifiés. Pour empêcher les salaires de baisser, il faut réémigrer, faire partir de France les étrangers qui n'ont pas lieu d'y être, qui prennent le travail des Français. Il fut un temps où le Front National était vraiment national, ce qu'il n'est plus depuis que Malika Le Pen en a pris la tête et où il disait 3 millions d'étrangers, c'est 3 millions de chômeurs en trop. Ben c'est vrai, c'est C'est pas vrai. tout à fait vrai, il y a plein d'étrangers qui travaillent quand même. Ben justement, quand ils travaillent, ils prennent la place des Français. Voilà, donc il faut. Mais Non, admettez qu'il y ait des secteurs d'activité, vous savez qu'on ne n'arrive pas à non. pourvoir Non, de gens. ce n'est pas vrai, c'est une question de prix. Bâtiments, Mais non, hôtellerie, mais attendez, la c'est restauration. un faux argument. En fait, on n'arrive pas à avoir du monde pour le salaire que les patrons veulent payer. Et en fait, cette politique migratoire qui remonte à Pompidou, avant 1974, elle est voulue par les patrons, par égoïsme patronal, pour augmenter leurs profits, pour casser les prix, pour casser les syndicats, pour faire baisser les prix, pour faire baisser les salaires, et pour avoir une main-d'œuvre autrefois docile, qu'il est un peu moins maintenant, main-d'œuvre immigrée. Et donc c'est un calcul contre la France, un des pays qui s'est longtemps le mieux développé, qui s'est longtemps économiquement le mieux porté, c'est le Japon. Alors maintenant, évidemment, avec son vieillissement, le vieillissement de la population, il est un peu plus gêné. Mais le Japon n'a jamais voulu d'immigrés, ou très peu. Très peu. Oui, c'est un choix de société, c'est clair. Mais la France n'a pas la même histoire que le Japon. Elle est quand même beaucoup plus interconnectée avec le reste du monde. Je suis tout à fait pour l'interconnexion, c'est très très bien. Très très bien d'ailleurs, j'aime beaucoup Internet. Hein. Donc, non, l'interconnexion c'est très bien. Mais l'intersection, ça ne veut pas dire la substitution de population. Bien sûr. Ouais. Est-ce qu'on peut rappeler aux téléspectateurs la formule du général de Gaulle qui résume, qu'il a rapporté en 1959 Ah, il y a perfite. à Perfitte et qui résume ce que c'est que l'identité de la France? Oui. Est-ce que vous voulez que je la rapporte? Parce que Oh, peut-être bah, tout. allez-y, vous pouvez, pour ceux qui l'ignorent encore. C'est ce que j'appelle la prière du matin. C'est-à-dire qu'il faudra la réciter tous les matins dans toutes les émissions. Alors de Gaulle disait ceci. C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Cela prouve que la France a une vocation universelle, mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un pays européen de race blanche, de culture grecque et latine, et de religion chrétienne. Fin de citation. Alors, le point important, c'est sinon la France ne serait plus la France. Et d'où notre formule, du Parti national-libéral que j'ai l'honneur de présider après l'avoir fondé. La France redeviendra ce qu'elle est grâce à la rémigration. La rémigration, c'est-à-dire le départ des étrangers ou des immigrés qui sont des Français de papier et qu'il faudra donc déchoir de la nationalité française, mais qui ne sont pas assimilés. Le critère, c'est Mais l'assimilation. comment vous allez faire alors, justement dans cette réémigration, dans votre projet? Alors, il y a plein de choses. Il y a certains points qui sont quand même qui vont vous porter préjudice, à mon avis. Quand vous, Pourquoi? bah, je sais pas, vous parlez de camps de concentration pour les étrangers. Non, j'ai fait effectivement un peu de provocation, mais c'est parce que je ne veux pas qu'il y ait des mots tabous. Actuellement, les étrangers sont dans des centres de rétention. Oui, tout à fait. C'est un euphémisme, c'est comme de dire malentendant pour un sourd. Un centre de rétention, c'est un camp de concentration, c'est par définition. Donc je ne veux pas qu'on m'embête. J'emploie cette expression parce que c'est le vrai terme. Bon, c'est l'équivalent d'une prison, sauf qu'on concentre les gens dans des camps et pas dans des bâtiments bien fermés. Sont dans des Oui, camps. mais on parle de rétention administrative, c'est pas ça. Mais c'est encore un euphémisme grotesque. La détention, la rétention, c'est une détention. Et moi, ce que je veux simplement, c'est qu'on appelle les choses par leur nom. Je me bats. Je pense que du point de vue métapolitique, c'est très important de ne pas se soumettre au cosmopolitiquement correct. Vous voyez? Et donc, il faut employer les mots qui disent des choses réellement. Un camp de concentration, d'ailleurs, la formule a été employée par les Anglais au départ. En fait, c'est la traduction de concentration camp. Moi, je veux bien en fait qu'on Oui, dise mais vous camp de savez, détention. mais vous pouvez pas ignorer que tout le monde va faire le lien avec la Seconde Guerre mondiale. Ça va jouer contre vous Mais je immédiatement, sais non? bien, mais si j'avais dit camp de détention, on m'aurait dit, ah, mais c'est un camp de concentration. Alors donc, je coupe l'herbe sous le pied, je leur dis, écoutez, oui, mais dans le bon sens du terme. Même qu'il y a le bon racisme et le mauvais racisme. Ah oui, ce que vous Mon camp dites. de concentration, c'est un camp de détention qui sera tout à fait correct, où les gens seront bien traités. Ce n'est pas un camp d'extermination. Ce n'est Oui. pas un camp d'extermination, ce n'est pas du tout pour que les gens soient malheureux. C'est pour préparer leur départ vers le. Et c'est uniquement d'ailleurs pour ceux qui ne veulent pas partir de même. En réalité, aujourd'hui, dans le droit actuel, hein, l'entrée illégale en France est un délit. Donc théoriquement, on devrait mettre en prison, si on appliquait la loi, ceux qui entrent illégalement en France. Ce que le gouvernement socialiste a supprimé, c'est le délit de séjour irrégulier qu'il faut rétablir. C'est-à-dire que si quelqu'un rentre légalement en France, mais qu'ensuite il reste au-delà de la durée légale de son séjour, il a un visa de 6 mois, il reste 8 mois, eh bien, il ne commet plus de délit. On peut l'expulser, mais ce n'est plus considéré comme un délit. Passible de 2 ans de prison, hein. Ou un an de prison, je ne sais plus. Donc moi je dis qu'il faut rétablir ce délit, mais surtout pour éviter d'engorger les prisons, il faut expulser les gens le plus vite possible, lorsqu'ils n'ont pas le droit d'être là, les réémigrer. Là je parle de l'immigration illégale, qui n'est qu'une L'immigration partie du illégale, sujet. oui, bien sûr. Mais si on n'a pas immédiatement l'endroit où les envoyer, on les garde dans un camp de détention, et cela indéfiniment jusqu'à ce qu'on ait trouvé l'endroit où les envoyer. Ça risque quand même de poser un sacré problème, parce que vos camps de détention, il va falloir en construire Non, mais massivement. non, attendez. Alors, écoutez, regardez sur mon site internet, vous verrez, j'ai expliqué Ah le. bah j'ai Non, regardé. mais j'ai un programme très précis de réémigration. Et en fait, je pense qu'il y aura très peu de camps de détention ou de concentration. Pourquoi? Si les gens viennent en France, illégalement ou pas, s'ils y restent, c'est parce qu'ils ont intérêt à y être. Alors moi, je supprime tout. L'immigré illégal, il n'aura plus d'école, il n'aura plus d'aide sociale, il n'aura plus de logement, il n'aura plus d'emploi, puisque l'employeur sera mis en prison s'il emploie un immigré illégal. Il n'aura même plus de compte en banque, il n'aura plus rien. Donc il partira tout seul. J'aurai même pas besoin de leur accompagner à la frontière. Il sera interdit de l'aider. C'est-à-dire que si des associations dites caritatives, qui sont en fait des associations cosmopolites, antinationales, veulent donner à manger à un immigré illégal, elles sont poursuivies pour aide, pour complicité ou pour aide à l'immigration illégale. Alors il faudra simplement, évidemment, leur donner un minimum de quoi vivre. On ne va pas laisser les gens mourir dans la rue. Oui, parce que vous, Mais on les renvoie tout de suite. mais vous préconisez de supprimer l'AME et de mettre les soins Ah ben justement bien dans ces entendu, fameux centres. il faut quand même savoir. Le cosmopolitisme fait qu'on marche sur la tête. On donne des avantages supérieurs à un immigré illégal, qui est un étranger qui n'a pas le droit d'être en France, par rapport à ceux qui sont français. Enfin, c'est quand même un scandale. Et les gens continuent à voter pour des Macron, pour des Hollande, pour des Sarkozy, qui ont appliqué cette politique. L'aide médicale d'État est un avantage extraordinaire qui permet, sans ticket modérateur, de bénéficier de tous les droits, de tous les médicaments, de tous les soins. Tout à fait, oui. Donc on est avantagé quand on est un immigré illégal par rapport à un Français. C'est hallucinant, ou même par rapport à un immigré légal, qui a un titre de séjour qui est légal. Et même, alors, on a vu le scandale récemment, puisque ici nous sommes en région parisienne, on a vu le fait que. On accorde une réduction de prix pour le billet de métro, le ticket de métro, supérieur à l'immigré illégal parce qu'il bénéficie de l'AME. Il paye moins que le français ou même que l'immigré légal. Mais c'est un scandale incroyable. Enfin, écoutez, comment est-ce que les Français peuvent accepter un tel scandale? C'est invraisemblable. Comment peut-on accepter de donner des logements à des gens qui n'ont pas le droit d'être là? Enfin, écoutez. Mais ça paraît du bon Ces sens. gens-là sont dehors la loi. Écoutez, il faut faire la comparaison, je crois, en permanence entre sa famille et la nation. Surtout, la famille, c'est une petite nation, la nation, c'est une grande famille. Ou bien le territoire national et le domicile. Bon. Les gens qui vous disent qu'il faut que la France soit ouverte à l'étranger, je leur dis, bon, très bien. Ce soir, vous laisserez la porte de votre appartement grande ouverte pour qu'un migrant qui passera par là puisse s'installer chez vous. Ils ne le font pas. Non, ils le font pas. Hypocrisie, hypocrisie. Ils ne le font pas du tout. Et donc, il est normal que la nation, qui est une grande famille, accorde des droits particuliers aux membres de la nation, aux membres de cette grande famille nationale, et que la nation s'autorise le droit d'accepter ou de ne pas accepter les gens qui veulent venir. Alors ça, sur ce point. Monsieur Dante, on ne peut pas venir chez vous sans votre autorisation. En théorie, non. Je Bah non. l'espère pour Ah vous. bah oui. Voilà, c'est tout. C'est la même chose. Vous avez un domicile, la France, c'est le domicile national. On ne doit pas venir en France sans l'autorisation. Si quelqu'un rentre chez vous, vous trouvez un clochard qui a trouvé une fenêtre ouverte qui rentre chez vous, vous allez le virer, madame Oui, je vois, Militari. oui, Et ben certainement. voilà. Et ben c'est tout. C'est tout bête. Ce sont des vérités élémentaires que la propagande cosmopolite permanente vous faites oublier. Le cosmopolitisme, c'est une inversion des valeurs qui vise en fait à détruire les valeurs en les inversant. Mais il y a un projet, alors, dans votre programme, mais j'en reviendrai après, puisque quand vous dites, en fait, on va, en gros, faire un tri parmi les Français, ce que vous appelez les Français de papier. Ah non, pas la tride, non. Les Français de papier ont tous vocation à partir. Mais alors, comment on reconnaît un Français de papier? C'est celui qui n'est pas assimilé. Mais qui va décider des critères d'assimilation? Parce que ça paraît quand La même loi, et la très loi, le ambigu. décret, et l'administration appliquera la loi et le décret. Un des critères d'assimilation, c'est l'enquête de voisinage. On dit, c'est ce qui se pratique en Suisse pour ceux qui demandent la nationalité suisse. Alors le gars habite la Suisse, il veut être suisse, l'administration demande à leur voisin est-ce qu'il se comporte bien comme un Suisse. Vous voyez? C'est Mais ça? ça peut être, oui, d'accord. C'est un petit peu ambigu parce que je me suis embrouillé avec mon voisin, alors il va dire, ah bah non, lui. Écoutez, il n'y a pas de critère, il n'y a pas de formule parfaite. Mais moi, je préfère, dans le doute, ne t'abstiens pas, virer ceux qui sont des Français de papier. Alors, un des critères, quand même, objectif et simple, c'est la double nationalité. Alors la double nationalité, Alors là, ça fait un vrai choix, ça fait quoi, 3 millions de binationales en France, ouais. facile au moins. Hein? Alors, petite chose, justement. Je suis absolument contre toute binationalité. Ah, d'accord. Même franco-suisse, même franco-belge. Hein, On sera... Ah, d'accord. Même avec les autres pays européens. Ah, bien entendu. D'accord. Ah, bien entendu. Mais justement. Moi, j'aime beaucoup les pays européens. D'ailleurs, j'aime tous les pays du monde. Hein. J'aime bien. J'ai aucune hostilité à la guerre d'aucun pays. Aucun. Aucun. Absolument aucun. J'estime que l'ordre international doit respecter la souveraineté des nations, l'identité des nations. Et par conséquent, qu'il ne faut pas accepter que s'installent des colonies de gens qui refusent, qui pratiquent le communautarisme, qui refusent l'assimilation. Vous voyez ? Oui, et ça s'applique à tout le monde, même à ceux qui font allégeance à l'État d'Israël, qu'ils aillent en Israël. Mais vous faites quoi avec les, entre guillemets, les Français de souche ? Ils sont pas du tout sur cette ligne-là. Ah ben non, mais les Français de souche qui ne sont pas sur cette ligne-là, ils sont Français de souche. Moi, je suis pour la liberté d'opinion. Donc on ne peut pas faire... Vous savez, ce n'est pas l'opinion qui fait l'identité. Peut-être que le Français de souche, qui est complètement cosmopolite, il aura un enfant qui sera tellement révulsé par le cosmopolitisme de son père que lui sera au contraire un identitaire qui s'inscrira au Parti National Libéral. C'est ce qu'on peut lui souhaiter de mieux. Mais parce que parmi moi, en tout cas, le cas de la binationalité... Vous nous dites, en gros, celui qui est binational, on le dégage tout de suite, Attendez, ça dépend des gens. On peut, selon les cas, s'il est assimilé, on lui dit, cher monsieur, vous êtes binational franco-suisse, vous devez choisir entre les deux nationalités. Ça ne veut pas, alors, s'il est suisse, s'il choisit la nationalité suisse, ça veut pas dire qu'on va le virer. Il pourra rester comme résident, avec privilégié, une carte de séjour de longue durée. Voilà. Vraisemblablement, s'il est suisse, il est plus assimilable que... certains autres pays. L'originaire de certains autres pays. c'est la culture, la religion et la race qui font des obstacles à l'assimilation. L'un de ces critères peut jouer contre l'assimilation. Un des trois critères, culture, race ou... Mais ce sont des cas individuels. Hein. En fait, un musulman ou un juif peut être parfaitement assimilé, mais il faut qu'il rejette les principes de discrimination anti-française qui sont dans le Talmud ou dans le Coran. Ça veut dire que même pour les juifs qui seront concernés par ces problèmes de binationalité, ils devront choisir entre France et Israël, par exemple. Normalement, les Français juifs ne sont pas israéliens, sauf s'ils ont mis le pied en Israël. Mais il est insupportable de voir qu'il y a des juifs qui font faire leur service militaire en Israël, comme Arnaud Klassen, par exemple, et qu'on nomme au Conseil d'État ensuite. Et il est ensuite au Conseil d'État. C'est un scandale absolu, si vous voulez. Et on aurait, puisqu'il avait fait son service militaire en Israël, il fallait le déchoir de la société française et le réémigrer en Israël. Ouais, je suis partisan de réexpédier Arnaud Klassen en Israël. D'accord, il y en a beaucoup qui vous suivront certainement, c'est clair. Alors, ouais, de formule. Non, mais attendez, il faut bien comprendre pourquoi. Ouais. C'est parce qu'il a choisi de faire son service militaire. Donc, il a choisi clairement l'allégeance à une autre nation. Une autre nation, oui. Bon. Parce que la double allégeance, c'est pas possible. Ça, on est bien d'accord. C'est insupportable. Non, moi, je veux bien qu'un Français juif ait de la sympathie pour Israël. Moi, j'ai de la sympathie en tant que catholique pour l'Italie, l'Espagne et l'Irlande. J'avoue. Mais pour autant, je ne vais pas défendre les intérêts. De l'Italie, de l'Espagne ou de l'Irlande, ou du Portugal, qui sont des pays catholiques, contre ceux de la France. Et je n'irai jamais... mon âge est un peu trop avancé pour que le problème se pose, concrètement, mais je n'aurais jamais été faire mon service militaire, que j'ai fait en France, je n'aurais jamais fait en Espagne, en Italie, au Portugal ou en Irlande, quelles que soient mes sympathies pour ces pays catholiques. Ça va faire du dégagisme, Strauss-Kahn, etc. Il y en a plein des... Non, parce que, attention, il faut qu'il... Non. Le français juif ne soulève aucune difficulté s'il était parfaitement assimilé. Beaucoup sont parfaitement assimilés, j'en connais de très nombreux. Non, bien sûr, mais beaucoup ont des doubles nationalités, c'est une réalité. Mais ceux-là, ils devront choisir, ils devront renoncer. Alors, en tout cas, je n'entre pas dans les détails juridiques, mais parce que le pays, l'autre pays peut refuser de doter la nationalité à cette personne. Donc il faut simplement lui demander, c'est le cas aux États-Unis, de prêter serment d'une allégeance pure et dure et unique à la France et à aucun autre pays. Serment d'allégeance. Pour ceux qui ont à choisir entre deux nationalités. S'ils ne peuvent obtenir la déchéance de l'autre nationalité, qu'ils le fassent, sinon, il faut au moins, si c'est impossible juridiquement, qu'ils prêtent allégeance à la France, s'ils veulent rester en France. C'est une question de loyauté, si vous voulez. Tout doit être fondé sur la loyauté à l'égard de la patrie. Alors, vous avez revisité la devise française. pour vous, donc c'est liberté individuelle, égalité civique, fraternité raciale. Vous l'avez précisé, en fait, on va dire. Ah ouais, je suis assez content de cette précision. Voilà. Donc je répète, vous savez que depuis un siècle et demi, la Troisième République a adopté une devise qui est en fait celle du Grand Orient de France, l'obédience maçonnique. Liberté, égalité, fraternité. Je trouve que cette devise n'est valable que si on la précise. Liberté individuelle et pas collective. Les droits individuels. La liberté d'aller et de venir, le droit de discrimination. Je soutiens que la liberté de discrimination est la première des libertés. Qu'est-ce que vous mettez derrière le droit de discrimination, c'est-à-dire? Mais c'est ce qui existait avant la loi Pleven de 1972, qui a porté atteinte non seulement à la liberté d'expression, les opinions qu'on émet, elle a créé un délit d'opinion, mais aussi au droit de discrimination. C'est-à-dire, par Si exemple, j'embauche des Français, je veux des Français, un je chef dois voter. d'entreprise ne va embaucher que des catholiques, ou que des juifs, ou que des protestants, ou que des caucasoïdes, ou que des congoïdes, c'est libre à lui. Il faut le laisser libre. C'est sa liberté. D'ailleurs, personne n'a cherché noise comme par hasard à la banque Rothschild où quand même la proportion de juifs est supérieure à la moyenne de la population. Bien sûr. Hein? Je pense que Il y a le fameux exemple de Zemmour, on voit il pas y de a Chinois lors d'un 1% restaurant chinois, des bons de Chinois. juifs en France, je pense que la proportion de juifs à la banque Rothschild est supérieure à 1%. Je pense. Je pense. Bon, on est en pleine hypocrisie. Il faut. Moi, je trouve très bien que monsieur Rothschild ou monsieur de Rothschild, puisqu'on lui a rajouté une particule sous Napoléon III, puisse choisir des juifs puisqu'il préfère les juifs. Moi, je n'ai rien contre cette solidarité ethnique si elle reste dans des proportions convenables. Vous voyez? Il faut que ça reste raisonnable. Mais alors, donc, liberté de discrimination totale pour les personnes privées, attention. C'est-à-dire que, en revanche, il faut que les services publics ne pratiquent aucune forme de discrimination. Donc c'est oui voilà C'est pour donc les tous les personnes droits privées. au sens individuel mais aucun droit collectif. Liberté individuelle, donc liberté d'expression, liberté de discrimination, voilà. Et deuxièmement, Égalité égalité civique. civique. Pourquoi civique? Civique, ça veut dire égalité des citoyens. Ça, c'est un principe de la nation. La nation a une part d'égalitarisme interne. Les citoyens sont égaux en droit. Et étant égaux en droit, ils ont tous, par exemple, le droit de vote, ils ont tous, a priori, les mêmes droits. En revanche, l'égalité est civique. Il n'y a pas d'égalité entre les citoyens et les étrangers. Il ne doit pas y en avoir. Et il faut creuser, revenir en fait au droit de la Troisième République, qui établissait de grandes différences entre les droits accordés aux étrangers venant en France ou vivant en France et les droits des Français. Il faut rétablir cette discrimination légitime entre Français et étrangers sur le plan des droits et donc de l'égalité. Égalité pour les citoyens, inégalité à l'égard des étrangers. Et discrimination légitime à l'égard des étrangers. Ce qui, encore une fois, n'est pas la xénophobie et la xénophobie, c'est vraiment une préférence nationale. Troisièmement, fraternité raciale. Alors, on dit fraternité C'est nationale. celui-là qui est le plus. Mais attendez, Alors, qu'est-ce que c'est que cette fraternité raciale? parce que, alors là, j'emploie le terme de race dans un sens plus vague que je ne le fais d'habitude. Ça veut dire que la nation est une communauté de sang. Nous sommes Français à cause de nos ancêtres. Et il faut savoir qu'on est tellement désinformés, on nous ment tellement, que la France n'a quasiment pas connu d'immigration pendant 1300 ans. Entre 550 après Jésus-Christ et 1850 après Jésus-Christ, c'est-à-dire jusqu'à quasiment Napoléon III, pas d'immigration. Léonard de Vinci, si vous voulez, Mazarin, mais a priori, ils ont eu peu d'enfants. Pour des raisons différentes. Je sais pas, tous les passages qu'il y a eu, puisqu'avant, il n'y avait pas. Avant, non mais attendez, dans cette période de temps de 1300 ans, pratiquement pas d'immigration, sauf les Normands au 9e siècle, 10e siècle, quelques milliers à peine, très peu. Et toutes ces populations étaient de race caucasoïde, de religion chrétienne du moins, elles se sont converties au christianisme quand elles n'étaient pas chrétiennes à l'origine, comme les Francs, baptême de Clovis 496 après Jésus-Christ, et d'origine indo-européenne. Les Celtes, les Romains et les Francs, qui étaient des Germains, étaient des branches de la grande famille indo-européenne. Nous sommes des indo-européens, des Arias, si vous préférez. Aria, c'est le terme originel que se donnaient les indo-européens eux-mêmes. Les indo-européens eux-mêmes, du moins en Inde et en Iran. Donc notre identité, elle est là. Et même pendant un siècle, l'immigration qui est venue en France, qui était assez importante entre 1850 et 1950, à l'exception des Juifs, a été essentiellement une immigration, presque uniquement, chrétienne, européenne, de race caucasoïde. Et il ne faut pas croire que l'assimilation s'est faite facilement. Hein. Les Italiens ont eu beaucoup de mal à s'assimiler. Pourtant, le pays le plus proche qui soit de la De la France, c'est France, ouais. l'Italie. Eh bien, ça a été très difficile. La majorité des immigrés venus d'Italie ou des autres pays européens sont repartis. Alors, quand on nous dit que l'assimilation va se faire, alors on nous ment bien sûr, parce que en réalité, on nous parle d'intégration. Il faut savoir que l'intégration est un terme mensonger, qui n'a aucun sens. Assimilation, c'est très précis. Ça veut dire que l'individu se fond dans la communauté nationale, il ne crée pas une communauté à part. Et j'ai un bon exemple, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère maternelle était de nationalité guatémaltèque, de sang espagnol, descendait d'un conquistador arrivé en Argentine en 1519. Je peux pas dire, j'ai bien connu ma grand-mère, hein, maternelle, mais il n'y avait pas plus française qu'elle. Hein. Elle était plus bretonne que son mari. Enfin, je vous jure. Donc vraiment, donc l'assimilation, ça marche, mais dans certaines conditions. Elle avait épousé un Français. Ça sert quand même, ça aide. Et merde, depuis 1950 environ, l'immigration est en majorité, elle vient en majorité d'Asie, D'Afrique. d'Afrique. Mais ça avait quand même fonctionné à un moment donné, cette assimilation, on va dire, dans les années 60, Par 70. le mariage, peut-être, quand on se marie. Oui, d'accord. Mais ce qu'il ne faut pas, ce qu'il ne faut pas accepter, c'est la constitution de communautés séparées. Qu'elles soient séparées en raison de la religion, le judaïsme, ou l'islam, ou le bouddhisme. Ou qu'elles soient séparées en raison de la race. Vous voyez? Bah, déjà, ça limite. Alors, race, on va faire venir que des Européens, parce que les autres sont. Les Européens ne sont pas une race. Les Européens sont de race caucasoïde. Oui. J'emploie le terme scientifique, hein, parce que bon, Oui. les gens vous disent ah, mais la couleur de la peau, ça va. Mais non, la couleur de la peau n'a pas d'importance, mais la race en a beaucoup. La couleur de la peau n'a pas d'importance, mais la race en a beaucoup. Et les Indiens. Macron vient d'aller en Inde, Narendra Modi est un Indien, mais il est blanc. Il est, enfin blanc, il est caucasoïde. Et beaucoup d'Indiens ont la peau assez foncée, mais ils sont de race caucasoïde. Essentiellement. Donc il faut employer des termes scientifiques. Moi, je tiens absolument maintenant à lancer dans le grand public les termes scientifiques pour éviter la confusion. D'abord, il y a cinq races et non pas trois, donc blanc, jaune, noir, ça n'est pas du tout scientifique. Ça crée la confusion, la couleur de la peau n'est pas le critère principal. Donc pour vous, j'ai vu, oui, il y a Ah bah les caucasoïde, cinq races humaines, elles ont été définies de manière. congoïde. Tu voulais, alors, attention, les gars qui vous disent, mais vous parlez de race, vous revenez au 19e siècle. Une stupidité absolument totale. D'abord, le terme de race, scientifique, comme division de l'espèce, ne remonte pas au 19e siècle, mais au 18e siècle. La race, c'est la division de l'espèce dans la taxinomie linnéenne, autrement dit dans la classification de Carl von Linné, 18e siècle. Vous voyez, alors, donc, nous, les hommes, nous appartenons à l'espèce Homo sapiens, au genre Homo, à la famille des hominidés, à l'ordre des primates, à la classe des mammifères, à l'embranchement des vertébrés, au règne animal et au monde vivant. Ça, c'est en montant. Et en descendant, nous appartenons à la race caucasoïde, ou bien on est métisse de race caucasoïde des autres, ça peut arriver à des gens très bien. Et on appartient à une sous-race, qui est sous-race non dans un sens péjoratif, mais une subdivision de la race. Alors les cinq races de l'humanité, il faut quand même les avoir en tête, c'est la race caucasoïde, mais qui inclut l'Inde, les Indiens de l'Inde, qui sont des caucasoïdes. Les congoïdes, qui sont les noirs de l'Afrique. D'Afrique. Les mongoloïdes, qui sont les jaunes. Et les capoïdes, qui sont très peu nombreux, mais ils existent, et ils sont des races complètement différentes. Qui tirent leur nom de la province du Cap dans la classification, dans la terminologie de Carleton Kuhn, et qui sont les Bochimans et les Hottentots. Alors il y en a très peu, mais il en reste quand même beaucoup dans les métis. C'est-à-dire que les métis, il y a 1 million ou 2 millions de métis sud-africains qui sont des métis de néerlandais, de bourgs, avec des femmes Hottentotes. Et puis il y a enfin les australoïdes qui n'ont strictement rien à voir avec les congoïdes. C'est-à-dire que les Noirs, entre guillemets, d'Australie, de Papouasie, de Mélanésie, n'ont rien à voir racialement avec les Noirs d'Afrique. Donc il faut distinguer Congoïdes, Australoïdes. Voilà les cinq races. Et donc l'Europe, et la France en particulier, est de race caucasoïde. Alors, comme l'a dit le général de Gaulle, c'est très bien qu'il y ait des Français par des Français jaunes, des Français bruns, à condition qu'il reste une petite minorité. Parce que sinon, c'est basculement dans une autre identité. Nous devons conserver notre identité. Notamment notre identité raciale. Alors, pour en revenir à la notion de fraternité raciale, ça veut dire que nous avons des ancêtres communs. Et la plupart des Français descendent de Saint-Louis. Enfin, au moins la moitié. Enfin, moi, je descends de Saint-Louis. Ce n'est pas un privilège, je veux dire. Saint-Louis était un pieux homme qui a eu énormément d'enfants, donc... Ouais, mais vous êtes une exception. La plupart des gens ne connaissent pas leurs ancêtres. C'est très difficile de connaître ses ancêtres. Oui, mais on sait que statistiquement, la majorité des Français, enfin, la moitié des Français descendent de Saint-Louis. Ouais. Et donc, voilà, nous avons des ancêtres communs. Et c'est cette fraternité raciale, ou communauté de sang, si vous préférez, parce que c'est vrai, je n'emploie pas le terme race dans le sens strictement scientifique de Carleton Kuhn, en l'occurrence, mais dans le sens de fond génétique partagé, dû aux ancêtres dont nous avons hérité nos gènes, qui fait que nous sommes fraternels. Ça, c'est de la sociobiologie. Parce que c'est parce que nous avons des gènes en commun que nous sommes fraternels. Donc j'introduis la sociobiologie d'Edward Wilson dans la politique. Mais alors, comment on fait pour se reconnaître aussi biologiquement? Parce que tout a été quand même... C'est instinctif. Extrêmement... Ah, c'est instinctif. C'est instinctif. Ah non, mais de toute façon, là, quand je dis fraternité raciale, c'est parce qu'on sait que les gens sont français. Et donc, ils sont français. On accepte les pièces rapportées qui sont en petite minorité, qui sont des gens de qualité, qui vont enrichir la France, à condition que ça ne modifie pas les équilibres profonds de la population. Donc pour que la France redevienne ce qu'elle est, il faut la réémigration, d'avoir dépassé le seuil. Il faut que la fraction de la population qui ne soit ni de religion chrétienne, ni de race caucasoïde, ni de culture occidentale, tombe nettement en dessous de 5%. Ça va être compliqué, c'est normal. C'est pas quand même. Écoutez, ceux qui vous disent que c'est compliqué, écoutez, ce qui est compliqué. Parce que. Il ne faut pas faire les choses brutalement. Vous savez, la réémigration, 1962, 1 million de Français, qui étaient là pour certains par leurs ancêtres depuis 1830, ont quitté en quelques semaines l'Algérie. Moi, ce que je ne veux pas justement, c'est le nettoyage ethnique. Parce que je vous dis, si jamais cette politique de réémigration paisible n'est pas mise en œuvre, eh bien tout ou tard, ça sera le nettoyage ethnique. Comme les Rohingyas actuellement en Birmanie, alors à moins évidemment que la France devienne un califat islamique, plutôt une république islamique. Mais comme cette hypothèse est peu probable, eh bien il y aura, si on y prend garde, un jour une situation tellement violente qu'on sera obligé, on ne pourra pas empêcher les violences. Et moi je veux empêcher les violences, donc je veux une réémigration pacifique. 200 000 par an, en solde net, entre différence entre les entrées et les sorties, Y supérieur à X. Si Y c'est les sorties et X les entrées, il faut que Y soit supérieur à X de 200 000 par an. Donc je n'arrête pas l'immigration, mais je fais partir par réémigration 200 000 de plus par an qu'ils n'en rentrent. Mais alors ça veut dire que c'est une politique que vous devriez mener avec les pays d'accueil, parce que s'ils refusent de les accueillir, comment vous allez faire avec tous ces gens? Mais je crois que vous avez déjà répondu, cher Patrick Dante. Oui, vous allez les enfermer, vous avez dit. Non, je les enferme si nécessaire. Ils partiront d'eux-mêmes, parce que un immigré que je veux faire partir par réémigration. De deux choses une. Ou bien c'est un Français de papier qui a la nationalité française et qui ne mérite pas d'être français puisqu'il n'est pas vraiment français. Il n'est pas assimilé, il ne veut pas s'assimiler. Ou bien c'est un immigré illégal. Si c'est un Français de papier, je lui ôte la nationalité française, évidemment. Il ne la mérite pas. Donc je lui ôte. Donc on est ramené au problème. Sauf s'il n'a que ça. Ah non, mais je me moque totalement. Il sera apatride. Apatride, vous ne pouvez pas rendre quelqu'un apatride. Je modifierai au besoin la Constitution. Non, attendez, il n'y a pas de droit à un étranger d'être français sous prétexte qu'il n'a pas d'autre nationalité. Ça existe dans le droit international actuel. Ouais. Je le rejette. Je refuse ce principe qui est un principe cosmopolite antinational. Mais quelqu'un d'apatride, il n'a pas de nation. Ça veut dire qu'il est maltraité. Il n'a pas de nationalité. Voilà, il est sans nationalité. Et alors? Il n'a plus de droit, il n'a plus de statut. Mais il a statut, d'apatride, statut de l'Aïmatlos. Non, il n'est pas très maltraité. Il peut même avoir un titre, s'il est bien sous tout rapport, il peut avoir un titre de séjour qui sera renouvelé. Non. Donc, je leur ôte la nationalité française et on est ramené ils deviennent des immigrés légaux. Donc on a des immigrés légaux, étrangers, et des étrangers illégaux. Alors, les étrangers illégaux, de toute façon, nous allons leur ôter tous les moyens de subsistance en France. Donc ils repartiront d'eux-mêmes. Les gens viennent en France ou en Angleterre parce qu'ils reçoivent des aides sociales, parce qu'on leur donne des logements, parce qu'on leur donne des emplois. S'ils n'ont plus rien, il suffit de modifier la loi et d'appliquer la loi. Et bien, ils repartiront d'eux-mêmes. D'abord, ils ne viendront plus, et ensuite, ils repartiront d'eux-mêmes. Tous ces avantages, ils n'auront plus l'AME, bien entendu, mais ils n'auront même plus de droit aux soins, sauf les soins d'urgence. Je ne vais pas laisser un malheureux, même si c'est un délinquant, mourir sur la route, sur le trottoir. Donc je vais le soigner. Je vais le soigner, ensuite, reconduit dès qu'il sera guéri, ou même avant qu'il soit guéri, reconduit dans un pays d'accueil. Soit son pays d'origine, soit un autre. Je suis prêt à négocier avec le Niger, par exemple, qui est un pays hospitalier, qui a beaucoup de kilomètres carrés, un accord de réémigration. D'ailleurs, Israël a fait ça. Israël est en train de se débarrasser de 10 ou 20 000 Congoïdes qu'il renvoie au Rwanda. Il y a un accord de réémigration avec le Rwanda. Et ce ne sont pas des Rwandais qui renvoient au Rwanda. Ce sont des gens qui viennent d'ailleurs. Ils peuvent venir de Somalie, de l'Ouganda, etc. Donc, les gens seront réémigrés dans leur pays d'origine ou dans n'importe quel autre pays. C'est ça la différence. La réémigration n'est pas forcément un retour au pays. Hein. C'est un départ de France. Et pour ce qui est des immigrés légaux, en fait, ils auront un titre de séjour qui ne sera pas renouvelé, qui sera renouvelé avec parcimonie et pour qu'ils partent d'eux-mêmes. Parce que l'immigré illégal qui arrive au terme de son titre de séjour de 3 ans, par exemple, s'il reste en France, il est dans l'illégalité. Il devient immigré illégal. Et on est ramené au problème précédent. Oui, bien sûr. Ah non, mais ça, c'est... Et donc, il n'a plus aucun droit et il est obligé de partir. Enfin, il est amené à partir. S'il ne part pas, hop, on le cueille, on l'enchaîne. On lui met des menottes. Et on l'envoie à Manu Militari. Et pour ceux qui ont des doutes, je dis, écoutez, si on n'arrive pas à les envoyer au Niger, on les enverra aux îles Kerguelen, par exemple. C'est un lieu hospitalier. C'est sûr. Pour ceux qui ne savent pas, c'est où, c'est de l'Atlantique Sud. C'est un peu inhospitalier. Non, je dis ça en plaisantant. Il faudra évidemment les envoyer dans des pays plus hospitaliers. Mais il y en a beaucoup dans le monde. Et un accord de réimmigration avec des pays... D'ailleurs, ces gens-là, souvent, ils ont envie de travailler. Ce sera très bien pour le développement du Niger, qui a besoin de main-d'œuvre. Mais alors, justement, ça suppose un accord de coopération avec le Niger. Oui, voilà. Alors là, je me dis. Je préjuge. Quand vous allez faire des. Parce que là, en fait, c'est une espèce de tri hein, quand même parmi les Français. Alors vous dites. Ils sont non, pas... Le tri, ça consiste à dire il y a les vrais Français et les Français de papier. Les vrais Français, ce ne sont pas seulement les Français de souche, ce sont les Français immigrés assimilés. D'accord. Un Français juif, c'est un immigré assimilé. La plupart du temps. Il y a des exceptions comme Arnaud Klarsfeld. Donc ça veut dire que c'est. Oui, mais le. Alors là, même pas d'ailleurs Arnaud Klarsfeld, en fait, c'est même pas qu'il n'est pas assimilé, c'est qu'il a fait allégeance à notre État. C'est encore un cas un peu différent. Mais moi, ce que je voudrais comprendre, c'est juste comment, de base, vous allez vous y prendre. Parce que, par exemple, vous me dites, bon, bah, ceux qui ne sont pas, caucasoïdes, bah, vous ne pouvez pas le savoir, parce qu'il n'y a aucun fichier sur ça, il n'y a rien qui. Ah, mais il y aura un fichier. Ah, donc vous allez. Vous êtes obligé de faire une espèce de reconnaissance raciale, alors administrative. Non, mais alors, j'en ai pas. Non. Idéalement, je pense qu'il faut un registre de la population, comme en Israël, où les gens sont catégorisés selon leur ethnie, leur religion, etc. Bon. Mais je n'ai pas besoin de ça. Je dis simplement, les gens qui ne sont pas assimilés, on les déchoit de la nationalité française. Alors, il faut fixer des critères d'assimilation, effectivement, et faire ça progressivement. Mais comme on commencera par les binationaux, c'est relativement facile. Ouais, le franco-algérien, il est franco-algérien, on va bien voir s'il appartient à un mouvement islamiste. Un franco-algérien qui est binational, qui est militant djihadiste, moi, je le déchois de sa nationalité française, vous voyez, en priorité. Et ensuite, par le bateau suivant, où l'avion c'est plus cher. Mais alors, une personne, voilà, par exemple, je prends volontairement la mère de famille... mais qui est voilée, qui travaille, et bon, mais qui n'est pas vraiment intégrée, on va dire, qui n'est pas française d'origine. Ouais. On ne pourra pas dire qu'elle est vraiment assimilée, mais son voile... Dehors. Même si elle travaille, elle ne fait pas de vagues, elle n'a pas de... Mais c'est pas le sujet. Attendez, moi, je dis dehors. Vous m'incitez à la provocation, mais je veux dire, non, réémigration gentille. Il faudra expliquer, madame Fatima, avec votre mari Mohamed, eh bien écoutez, j'ai beaucoup de sympathie pour vous. Mais votre place n'est pas en France. Retournez en Algérie. Retournez au Maroc. C'est un très beau pays, le Maroc. Hein. Plein d'avenir, en plus. Ah ouais, c'est ça. Non, mais chacun chez soi. Est-ce que c'est difficile ? La France aux Français, chacun chez soi. Est-ce que c'est difficile à comprendre ? Enfin, voyons. Ah non, mais ça, moi, je peux le comprendre. Mais Vous savez bien que vous allez vous heurter à des forces considérables dans Mais cette entreprise. parce que, justement, il faut dire les choses carrément parce qu'elles sont simples. J'ai mis sur mon site un article très simple, en 10 points comme j'aime le faire, qui montre que les valeurs républicaines authentiques sont complètement contraires au cosmopolitisme. Et je donne 10 citations, 10 citations de grands personnages de la République. Eh bien, j'avais par exemple Marx Dormoy, qui était pourtant socialiste, ministre de l'Intérieur, je crois que c'était en 1938, qui envoie une circulaire donc au préfet pour leur dire qu'il faut sévir contre les immigrés chinois qui posent de graves difficultés pour l'avenir de la race française. Pas les congolides, hein, les mongoloïdes chinois. Je prends cet exemple. Mais Édouard Herriot, Ratsock, franc-maçon, qui dit, mais il faut empêcher l'immigration, il faut sauver la race pour sauver la France. Herriot. C'était ça la Troisième République. Et attendez, vous connaissez aussi la déclaration de Jules Ferry. Oh, bien sûr. Hein, la déclaration de Jules Ferry. Alors Jules Ferry, c'est extraordinaire. Jules Ferry, c'est l'un des fondateurs de la Troisième République, et en 1885, je crois que c'était le 29 juillet 1985, non, 29 mai 1985, peu importe. Il n'était plus président du Conseil depuis quelques semaines ou quelques mois. Il défendait la politique coloniale de la France, parce qu'il y avait un parti colonial, dont il était le représentant le plus éminent, et un parti anticolonial. Et il monte à la tribune de la Chambre des députés, qui était le nom de l'époque pour l'Assemblée nationale, et il dit, je résume, vous trouvez la citation sur mon site, chapitre, rubrique analyse, chapitre, à lire en priorité, il dit, les races supérieures ont le droit et le devoir de civiliser les races inférieures. Est-ce raciste, à votre avis? Ben, ça dépend comment on le Attendez, prend. c'est une question de définition, mais. Ça n'est pas de la haine, il veut au contraire que les races supérieures, la race caucasoïde, les Européens, aident les autres races Mais supérieur en quoi, technologiquement? En civilisation. C'est un terme plus global que la technique, hein. C'est tout. C'est l'art, c'est la culture, c'est la philosophie, c'est la science, c'est l'économie. Et donc, Jules Ferry a dit une chose très vraie, mais qui est absolument contraire, parce qu'il dira dans sa phrase, il veut faire du bien. Il dit qu'il faut faire du bien aux gens qu'on va coloniser. Pas leur faire du mal, du bien, on va les civiliser. On va leur apporter la médecine, on va les soigner, on va construire des routes, on va construire des ports, on va. La population de l'Afrique, aussi bien congoïde que caucasoïde au nord, doit tout à la colonisation. Elle serait 10 fois inférieure à ce qu'elle est sans les progrès apportés par la civilisation, la civilisation et la conquête européenne, la colonisation européenne. Donc il devrait dire merci, au lieu de se plaindre de la colonisation, la plupart des gens qui se plaignent aujourd'hui en Afrique noire, congoïde, de la colonisation, n'existeraient même pas sans elle. Vous voyez comme ils sont ingrats. Ils doivent leur existence même à cette colonisation prônée par Jules Ferry. Alors ça me rappelle la phrase d'un personnage de Jules Renard qui disait « Je n'ai pas d'ennemis, je n'ai rendu service à personne. » Ces gens-là nous en veulent en proportion des services que nos ancêtres leur ont rendus. C'est inouï. Oui, parce que au-delà de ça, parce que dans votre aspect, effectivement, il y a eu un aspect civilisationnel, mais les gens, dans la colonisation, ils voient que la moitié du verre, c'est-à-dire l'aspect de domination militaire, on va dire, et puis sans compter l'épisode de l'esclavage, qui fait partie aussi de la colonisation, on ne peut pas le nier. Ah si, on peut le nier. Ah, pour vous, c'est pas la colonisation, l'esclavage, c'est pas les... Attendez, excusez-moi, là vous les informez sans le vouloir. Ah non, je vous pose la Non, question. l'esclavage, d'abord l'esclavage, alors je conseille encore sur mon site l'article sur l'esclavage qui vous défrisera, qui vous Oh, je apprendra suis des choses. défrisé. Ouais, d'accord. Bon. Je Pardon, fais des pardon, blagues. excusez-moi. Je demande pardon, Patrick Grand. Je n'ai pas voulu faire une mauvaise blague. Donc, Non, l'esclavage a existé dans toutes les sociétés, et il existait dans la société d'Afrique noire. Tout à fait. Bon. C'est avant la colonisation qu'il y a eu la traite transatlantique, qui n'est que l'une des trois grandes traites des Noirs. Mais on pourrait parler de Il y a la... eu la traite interafricaine, Oui, la traite et islamique. la traite transatlantique faite par les Européens, qui ont acheté des esclaves noirs sur les côtes d'Afrique et qu'ils ont transportés en Amérique, et il y a la traite interafricaine et la traite arabo-musulmane. Arabo-musulmane, ouais. Or, en termes quantitatifs, on est nettement en dessous pour la traite transatlantique. On dit que c'est 7 millions, l'autre c'est 10. Bon. Mais surtout, il y a une grosse différence. C'est que les Occidentaux, on appelait ça les négriers, excusez-moi, c'est le terme précis, qui achetaient des esclaves noirs sur les côtes d'Afrique, ils les achetaient. Il n'y a pratiquement jamais eu de rapt. Ils achetaient des gens qui avaient été déjà réduits en esclavage par d'autres que Congoïdes. Oui, bien sûr, Ils les achetaient. Or, la traite interafricaine était souvent une traite de conquête interne avec des gens qui étaient réduits en esclavage après tout des à fait. guerres internes. Et les arabo-musulmans qui venaient du Nord ont pratiqué énormément de razzias. Donc ils enlevaient des gens, ils ne les achetaient pas. C'est eux qui les réduisaient en esclavage. Alors il y a une quatrième traite dont on ne parle jamais, excusez-moi puisque vous me parlez d'esclavage. C'est la traite des barbaresques. 1 million ou 1,5 million d'Européens ont été raflés sur les côtes d'Europe Bien sûr, hein. par les barbaresques, c'est-à-dire par les Maghrébins nord-africains. Bah, ils sont caucasoïdes aussi. Ils sont caucasoïdes, parfois métissés, mais qui sont de race caucasoïde comme nous. Et donc c'est une traite des Blancs. Et on n'en parle jamais. Personne n'a demandé à l'Algérie de faire repentance du million d'Européens qui ont été enlevés. Eux, ce n'étaient pas des achats d'esclaves. Ouais, bien sûr, ils étaient enlevés, C'était des c'était des rapts. razzias sur les côtes, oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez sur le drapeau Corse, de la Corse, les Sardaignes de aussi. l'Aragon et de la Sardaigne, une tête de mort. Alors en fait, c'est assez curieux parce que c'est vrai, c'est plutôt vrai pour le drapeau de la Corse. Mais ce sont des trophées d'ennemis décapités. Et l'ennemi décapité, c'est le Maure, M-A-U-R-E, c'est-à-dire en fait le Sarrasin, c'est-à-dire le Maghrébin, c'est-à-dire le Nord-Africain. Algérien, Marocain, Tunisien aujourd'hui. Mais comme, excusez-moi, chers amis corses, mais comme un Algérien peut ressembler beaucoup à un Corse, qu'est-ce qu'on a fait? Ils lui ont donné, sur leur drapeau, des traits congoïdes. C'est absurde. Oui, ça te porte à Parce que, confusion. mais parce que c'est pas totalement absurde. Mais en tout cas, alors je fais une parenthèse à propos de la Corse, parce que les dirigeants corses du mouvement séparatiste dit nationaliste ont la stupidité de prétendre que ce trophée, ça représente un Corse qui revendique sa liberté. C'est-à-dire qu'il transforme le trophée d'un ennemi décapité en s'identifiant à lui comme si c'était un Corse. Alors on n'est pas plus bête, alors je dois dire, franchement, c'est hallucinant. Donc oui, ça, non mais ça c'est Ça nous fait un peu sortir du sujet, mais ça fait pas sortir du sujet, mais ce que je c'est voulais quand même le dire, sujet de l'esclavage. mais quand je parlais de colonisation en fait par rapport à l'esclavage, Donc la colonisation a mis fin à l'esclavage, ou a tenté d'y mettre fin. mais est-ce que Donc vous êtes, là, vraiment, là, vous avez. oui, mais quand vous parlez de colonisation, est-ce que justement vous omettez de dire qu'il y a eu deux phases coloniales en fait, parce que bah, la première phase, justement la conquête de l'Amérique, c'est aussi une forme de Ah oui? colonisation. D'ailleurs, même la France d'aujourd'hui, on peut estimer que elle a conservé ses anciennes colonies issues justement de cette première phase colonisatrice, et plus Très du peu, très peu, très peu. mais quelques La Martinique, la Guadeloupe. Martinique, Hein. Guadeloupe, Et Réunion, Guyane, c'est tout ça nous date avons quand perdu même, le Saint-Pierre Canada. et Miquelon, Nous etc. avons perdu Voilà. le Canada. Bon, on va dire c'est Sauf les Saint-Pierre et ersatz. Miquelon. Bon, voilà, on a gardé en tout cas les ersatz de la première vague, Oui. et par contre la deuxième, quasiment rien. Tout a été bazardé, justement la phase Jules Ferry, on va dire. C'est pour ça que je distingue un peu ces deux périodes Oui, coloniales, vous en avez fait. raison. Voilà. Mais la période, en fait, effectivement, qu'on nous remet tout le temps dans la figure, c'est la période Jules Ferry. de Jules Ferry. Et évidemment, là, par contre, à tort, parce que bon, moi j'ai déjà fait des émissions, c'est ce que j'en pense à les auditeurs, c'est Auditeur. oui, auditeurs, téléspectateurs, Bon, en bon, disant auditeur, c'est plus court. voilà. Et donc, en fait, c'est que cette période, comment dire, cette période-là, on la voit que justement sous le prisme le volet colonial de domination militaire, etc. Effectivement, on peut parler oui de supériorité civilisationnelle. Je pense que c'est assez pertinent. Mais on n'observe jamais effectivement le volet de civilisation propre, sauf certains peuples d'Afrique, parce que vous savez, en Afrique, tout le monde n'a pas la même vision de la colonisation. Il y a des gens qui sont beaucoup plus francophiles, qui Bien reconnaissent sûr. ça, et, de, Mais moi, j'ai vu et c'est surtout ici un qu'il y a... Béninois qui expliquait que c'était beaucoup mieux de s'en être français. Oui, ouais, oui c'était Kofi Annan, oui, tout à fait, ouais, bien sûr. Non, c'est un autre. Un autre encore à voir. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup d'Africains très francophiles qui n'ont pas une vision exclusive telle qu'elle est développée en France. Mais est-ce que vous ne pensez pas justement qu'en France, on essaye, enfin on essaye, je dis on, je sais que vous n'avez pas les on en plus. Ah si J'ai lu ça sur votre site, ah, non, mais sur les fautes de français. Enfin, font... On et nous. Voilà. On n'est pas nous. On n'est pas et nous. Tu n'es pas on. Et tu n'es pas on. Alors, on que... essaie, vous, c'est parfaitement juste. Alors d'accord, je voulais parler de justement de ces communautés issues de l'immigration en France. Par exemple, pour ce qui est des gens qui sont de race congoïde. Pas la peine qui, de mettre des guillemets à race. Je dis ça pour les auditeurs. Et donc, qui vont, ces gens-là, en fait, qui sont de cette race congoïde, ils sont aujourd'hui complètement influencés au sens où ils transfèrent complètement même le passé aux Américains, aux Noirs-Américains. Mais c'est dramatique. C'est ça le problème, si vous voulez. C'est que. C'est ça la difficulté. Au-delà même de la question de l'identité, il y a la question de la cohésion sociale. Regardez les États-Unis. Ils n'ont toujours pas réussi à assimiler leurs Noirs, leurs Congoïdes qui sont là depuis. Qui ont d'ailleurs en moyenne un tiers de sang blanc, de sang caucasoïde, pardon, pour être précis, et qui sont là depuis 200 ans, 300 ans. Bon. Qui forment une communauté complètement séparée. Moi, je me rappelle, j'avais été. À New York, je devrais dire à Nouvelle-York, avec mon épouse, et nous faisons bêtement, comme n'importe quel voyageur d'agrément, faisons le tour de New York en car, et nous partons de l'hôtel, le chauffeur était caucasoïde. Il arrive à la frontière d'Harlem, le quartier noir, il descend, il est remplacé par un chauffeur noir, congoïde. Pourquoi ? Parce qu'un chauffeur blanc qui traverse, il va prendre des pierres. Et on nous a fait entrer dans une espèce de centre pour touristes qui était entouré de fils de fer barbelés avec des gens armés, alors que c'est après les réformes de Giuliani qui ont réduit la criminalité là-bas. Donc autrement dit, la séparation, la ségrégation entre les Noirs et les Blancs est absolument terrible dans ce pays. Bon. Or, ce dont vous parlez, mais oui. C'est que la conscience de race a un côté positif, fraternité raciale. Mais malheureusement, ça peut aboutir à la haine raciale, extrêmement violente. Vous savez que le noir américain, il appelle un autre noir « brother », ce qui veut dire « frère », et le blanc, il dit « c'est un pig », un porc. Pourquoi ? Parce qu'il a la peau rose comme un porc. Alors surtout, c'est le policier irlandais typique, vous voyez, alors là, c'est le gros rouquin avec la peau bien rose. Vous voyez, la haine raciale. Donc la haine raciale, ça aboutit aux émeutes, à la guerre, etc. Donc il ne faut pas. Les sociétés multiculturelles sont multiconflictuelles. Les sociétés multiraciales sont multiracistes. Donc, que cela vous plaise ou non, pour avoir une société unie, il faut une certaine homogénéité. Si les sociétés trop hétérogènes, on débouche sur la guerre civile. Il y a ce que j'appelle la loi d'hétérogénéité violente. C'est-à-dire que plus une société est hétérogène, plus elle est violente. C'est-à-dire pour ça que l'un des pays les plus, peut-être même le pays le plus violent du monde, historiquement, c'est l'Inde. Le régime des castes a été justement inventé pour réduire la violence. Aussi en Amérique du Sud, ça pourrait l'expliquer alors Bien sûr, alors, l'Amérique du Sud, c'est extraordinaire. Et le facteur principal de cette violence extrême qu'il y a au Brésil, en Colombie, c'est la grande hétérogénéité raciale. Paradoxalement, c'est justement les Blancs qui ont voulu cette hétérogénéité raciale, de base, non ? Ils l'ont voulu. Il y a une politique quand même. L'Espagne, le Portugal, au niveau du Brésil, c'est pour ça que j'ai cité le Brésil, où il y avait une politique de métissage. Ils n'ont pas pris conscience des conséquences. Ils n'ont pas pris conscience des conséquences. Ils voulaient de la main-d'œuvre, donc ils ont fait venir des esclaves noirs. Et puis voilà, et bien ensuite ils ont été émancipés, ils se sont mélangés avec eux, mais ça crée, malgré, ça crée des situations très mauvaises pour un pays. Comme le régime des castes en Inde qui a fait ses preuves pendant 2000 ans n'est peut-être pas transposable en Occident, je ne le souhaite pas. Je n'ai pas envie d'instituer ce régime des castes. Donc je pense que la solution n'est pas le régime des castes, mais la réémigration, pour l'avenir. Oui. Parce que cette immigration massive, voilà, au-delà, on a abordé tout à l'heure l'intérêt économique qui avait été évoqué, on le sait, il y a des vidéos, vous pouvez voir. L'intérêt économique, financier, pas pour la nation, pour les entreprises, Pour les entreprises, c'est pour ça que pour les actionnaires. j'allais évoquer cette entrevue de Bouygues des années 70 où il fait l'éloge total de l'immigration. C'est C'est bien, typique. on va dire que ça symbolise bien justement la volonté Mais qui est. Pompidou, qui fut une catastrophe, qui a été celui qui a lancé l'immigration, donc entre 1969 et 1974, comme président de la République, a dit, mais l'immigration, il la faut pour satisfaire le patronat. Le patronat exige l'immigration. Mais aujourd'hui, soyons clairs, le patronat, bon, on l'a vu dans certains secteurs, vous me dites, effectivement, si entre guillemets, les immigrés s'en vont, on sera obligé de rehausser les salaires si on veut trouver des gens, Excellent. parce que personne ne voudra Excellent. Il fut travailler. une époque où en Suède, il n'y avait pas des boueurs étrangers, immigrés. Eh bien, les éboueurs étaient des grands blonds aux yeux bleus, mais ils étaient payés 3 fois plus cher qu'en France. Voilà. Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà. C'est une question de salaire. Mais Bon, alors, question. si on me paye 100 000 euros par mois, moi je veux bien être éboueur. Hein. Alors, Je ne dis pas qu'on les paye, j'exagère, bien entendu. Mais... Mais alors, moi, j'ai une question. C'est qu'aujourd'hui, voilà, puisque ces considérations économiques, elles ne peuvent plus être viables, Non, continuer à c'est pas être. qu'elles ne l'ont jamais été. Ça... Alors, elles n'ont jamais été, mais là, plus que jamais, puisque aujourd'hui, il y a un chômage Mais bien comme entendu, ça. donc quand il y a du chômage, on a quand même. Alors, pourquoi faire rentrer autant d'immigrés? Est-ce que derrière ça, Parce que. quel est le est-ce qu'il y a entre guillemets, un plan de destruction des nations, clairement, Oui! par la démographie, Oui! par la. Mais oui, bien entendu, c'est évident. Mais Finalement, ce plan, il est fonctionnel, il résulte d'une idéologie. Depuis les années 1960, il y a. En France, et aussi ailleurs dans le monde occidental, une idéologie dominante qui est le cosmopolitisme, qui veut détruire les identités, détruire les valeurs, détruire les frontières morales et physiques. Et depuis, disons, les années 1990, après l'effondrement de l'URSS, s'est constituée une superclasse mondiale qui a imposé au monde cette idéologie cosmopolite. La France est dirigée par une oligarchie cosmopolite. Qui est en quelque sorte la section française de la superclasse mondiale, qui est une classe sociale au sens sociologique du terme. Ce sont les gens déracinés, souvent en moyenne très riches, mais qui justement veulent exploiter le peuple à leur profit. Alors la lutte des classes qui se produit aujourd'hui est une lutte des classes à l'échelon mondial qui oppose tous les peuples à la superclasse mondiale. Et c'est comme ça qu'il faut décrypter, déchiffrer les élections italiennes, par exemple. Vous voyez? Nous avons aujourd'hui la lutte des classes. Autrefois, je schématise, mais autrefois, il y avait une lutte des classes. Ce n'est pas Marx qui a inventé le concept. Comme disait mon maître à penser Vilfredo Pareto, la lutte des classes a toujours existé. Mais aujourd'hui, à cause de l'immigration, la lutte des races a remplacé la lutte des classes. La lutte des classes s'est transposée à l'échelon mondial entre les peuples et la superclasse mondiale. Et c'est sûr que ta classe mondiale, elle veut faire disparaître les peuples En les les mélangeant, mélangeant, en les en les brassant, brassant, voilà. et pour que ses profits soient maximaux. Elle est matérialiste, elle veut la société marchande partout. L'état de droit est un concept qui sert la société marchande et qui va contre l'état légal de la République. La République, c'est l'état légal. L'état légal, ça veut dire que le juge applique la loi. L'état de droit, dont les gens se gargarisent, Oui, parce que vous voulez c'est supprimer l'état de droit. pour le remplacer par l'état légal. L'État légal, comme l'a dit un conventionnel, excusez-moi, j'ai une mauvaise référence, qui était Duport, il a dit, l'État légal, c'est pardon, le jugement. Dans l'État légal, le jugement est la conclusion d'un syllogisme dont la mineure est le fait et dont la majeure est la loi. Par exemple, Landru a commis des assassinats, c'est la mineure. L'assassinat est puni de mort par la loi, c'est la majeure, donc l'Andrieux est condamné à mort. Le jugement, c'est ça. Voilà. C'est ça l'état légal. Et on a remplacé ça par l'état de droit, qui est en fait le gouvernement des juges. Le gouvernement des juges, le prétendu état de droit, en fait, c'est un état qui ne respecte pas la loi. Le juge s'autorise la possibilité de ne pas appliquer la loi. Il dit, principe de non-discrimination, par exemple, je n'applique pas la loi. La loi prévoit une discrimination, je ne l'applique pas. Les juges ont inventé des principes généraux de la République qui sont des principes anti-républicains, comme le principe de non-discrimination. Et c'est ça qui nous livre à l'immigration. Donc si nous voulons faire le programme de rémigration dont j'ai parlé, il faut comment ? La première mesure à faire, c'est supprimer ou modifier l'article 55 de la Constitution. Rappelez-nous l'article 55. C'est... L'article 55, De Gaulle n'a pas vu malice, mais il a mis à la Constitution de 1958, du 4 octobre 1958, un article 55 qui est une horreur, qui affirme que les traités sont supérieurs aux lois. C'est-à-dire qu'une fois qu'un traité est signé, la loi française ne peut plus revenir dessus. Alors moi, je ne dis pas que la France ne veut pas respecter ses traités. Je dis que la loi française, votée par le Parlement, ou éventuellement par le peuple par référendum, va être considérée, va toujours être tenue pour supérieure aux traités antérieurs. Sinon, on ne fera rien. Oui, ça... On n'a même pas besoin de quitter l'Union européenne. On fait cette réforme constitutionnelle, et à partir de ce moment-là, le Parlement pourra voter des lois qui seront supérieures aux directives européennes, aux règlements européens. Non, mais on va finir par se fâcher avec les autres Européens, parce qu'ils vont dire la France, vous ne jouez pas les jeux. Ça conduit au Frexit. Mais comme je l'ai dit, le Frexit m'excite, donc je ne vais pas reculer devant le Frexit. Hein. Non, j'étais pour l'Europe des Nations. D'ailleurs, je signale que c'est moi qui ai créé l'expression Europe des Nations, que De Gaulle n'avait jamais employée. D'accord. Que j'ai lancé au Club de l'Horloge, qui a été repris ensuite par Villiers. Et je suis en théorie pour l'Europe des Nations. Donc je pourrais décrire en deux mots le principe, c'est-à-dire une alliance militaire, une sorte d'OTAN européenne, et une ONU européenne avec un Conseil de sécurité, etc. Mais pas forcément de marché commun. Une zone de libre-échange pourrait suffire. Et puis surtout, pas de Cour européenne de justice. Pas de commission, rien de tout ça. Hein. Voilà. Pas de Parlement européen, du coup. Pas de Parlement européen, bien entendu. encore que, pour l'instant, il existe. Donc il faudra peut-être élire au Parlement européen des gens qui défendront les intérêts de l'Europe. Moi, j'envisage de faire une liste qui s'appellerait « Contre l'Europe de Macron, pour l'Europe de la rémigration ». Enfin, ça serait la liste de l'Europe, de l'Europe pour la rémigration. Parce que c'est un sujet commun à tous les Européens. Et l'exemple nous vient d'ailleurs des pays de l'Est de l'Europe. Et qui refusent l'immigration. La Tchécoslovaquie, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, la Pologne. Mais c'est une ironie de l'histoire, puisque ces peuples-là, en fait, ces pays-là, ont été, on va dire, préservés de tous les méfaits des travers de l'Europe de l'Ouest à cause de 50 ans de communisme, en gros. C'est vrai, c'est-à-dire que le collectivisme les a préservés du cosmopolitisme. C'est une ironie de l'histoire. Vous savez que, pour bien comprendre ce qui se passe dans le mouvement des idées, la gauche a deux pôles antagonistes, le cosmopolitisme et le collectivisme. Et ce qui s'est passé à partir de mai 68, c'est que la gauche a basculé du collectivisme au cosmopolitisme. Les nouveaux philosophes, c'est d'anciens communistes qui sont devenus cosmopolites. On peut dire qu'un Georges Marchais, il était resté collectiviste, par exemple, parce qu'il était contre l'immigration. Et les collectivistes, mais attendez, l'ancêtre du collectivisme, à l'époque moderne, c'est Jean-Jacques Rousseau qui dénonçait le cosmopolitisme. Parce que, pour en revenir au raisonnement global, donc, on est en train de faire venir cette immigration qui est en train de dissoudre les nations européennes, enfin les nations européennes prises d'ailleurs en tenaille, puisque d'un côté il y a l'Union européenne qui est en train de dissoudre les États eux-mêmes et leur pouvoir en restreignant leur pouvoir, etc. Et puis l'autre côté, la tenaille de l'immigration qui mène une véritable invasion culturelle, on le sait, bon, sur tous les plans, on veut bien l'admettre. Mais est-ce que la finalité pour justement cette fameuse hyperclasse n'est pas... Superclasse. Superclasse, oui. Je préfère un terme, j'ai repris le terme de Samuel Huntington. D'accord. En anglais, Global Superclass, donc Donc, traduction superclasse mondiale. alors cette superclasse mondiale se débarrasse des nations pour nous faire accepter l'unification européenne totale, parce qu'une fois que on aura cette unification totale, les pays n'existeront plus. Ils existent déjà quasiment plus sur le papier. Non, non, non, si, ils existent. S'ils existent, Non, non, mais sur le vous papier, on leur a exagérez. retiré beaucoup Oui, ils sont vassalisés, mais Ils ils sont existent. vassalisés, voilà. Mais ils existent. Parce que même les ministres, je veux dire, il y avait un Bruno Le Maire, il avait écrit un livre là-dessus où il disait oui, maintenant, je suis obligé d'aller, entre guillemets, quémander auprès d'un commissaire européen. Bon, c'est lui qui a écrit ça dans son Ah livre. ouais, mais Hein, bien sûr. Ouais. donc, ça veut dire qu'on a. Alors, effectivement, le pays, on peut considérer qu'il existe encore, mais Bon, on cherche en il tout cas existe, il existe. à les détruire. Est-ce que ça, c'est justement. Ah, attendez, je vais m'en mettre. Est-ce qu'il n'y a pas. Hop, attendez. Voilà. J'espère qu'on entend bien pour la régie, voilà. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une volonté, en fait, aussi, de nous, puisque clairement les États-Unis ont un projet pour l'Europe, ce qui est de nous amener à une vassalisation par une espèce de fusion-acquisition, comme ils auraient fait avec une société. Ils n'ont pas un projet, c'est déjà réalisé. C'est déjà. Nous Voilà, sommes vassalisés. on est vassalisés, mais là, ils sont en train Depuis de. 1945, nous sommes vassalisés. D'accord. On peut estimer effectivement qu'on est vassalisé depuis 1945, mais là, ils sont en train de nous absorber complètement. On parle d'un parlement transatlantique, de. Ouais, ça, je comprends pas beaucoup. En tout cas, Trump ne va pas aller dans ce sens-là. Alors, Trump ne va pas dans ce sens-là, Hein. Ah ouais, ouais, quand tout même, à ça fait. fait Il a même déjà mis un un gros moment. frein, le TAFTA, le truc, il a tout mis en suspens, donc finalement, il va. Non, non, non, non. Trump est un bon. Trump a été élu contre la superclasse mondiale. Le candidat de la superclasse mondiale, c'était Hillary C'était Clinton. Hillary Clinton, ouais. Et justement, Trump a réussi par une action politique énergique, en refusant de s'excuser, en dénonçant les candoles, ce qu'on appelle les cucks aux États-Unis. Il a réussi à être élu contre la superclasse mondiale. Alors, il faut dire qu'il avait quand même les médias contre lui, avec quelques exceptions. Il avait fait Fox News pour lui, ce qui n'est pas négligeable. Mais ce qui veut dire que parce que quand on lit par exemple les câbles de Wikileaks à l'époque, leur projet pour l'Europe et particulièrement pour la France, ça passait par on va dire la division de la société française avec justement, je parle de Oui, mais oui, communautarisation, mais quoi. parce que la diplomatie américaine est complètement cosmopolite. Effrayant, quoi, effrayant. C'est pour ça que l'état profond américain, c'est aussi dans la diplomatie, ce sont des pourris de cosmopolitisme. Et ils veulent détruire, métisser complètement tous les peuples pour faire disparaître l'identité. Le mal pour eux, c'est l'identité. Les cosmopolites veulent détruire non seulement les souverainetés, mais les identités. Mais est-ce que c'est pas ça justement l'aboutissement final? Détruire vraiment les nations pour ce C'est le qu'elles sont projet. et faire cette C'est le espèce de projet grosse cosmopolite. Moi, globalisation? je suis optimiste. Je pense que les superclasses mondiales perdront la guerre, perdront la lutte des classes. Ça se voit, mais écoutez, moi, je vois, évidemment, c'est récent, hein, mais je vois la poussée populiste dans le monde. Enfin, l'Italie, c'est quand même incroyable. Les partis cosmopolites sont tombés à 30%. Et les partis anticosmopolites sont à près de 70%. Vous rendez compte? Vous rendez compte? Prodigieux. Oui, Prodigieux. bien sûr, l'Italie, puis bon, on fait Ah la non, non, Hongrie, la l'Italie, on n'a jamais Pologne, vu ça. L'Italie, souvent, est à l'avant-garde des évolutions du monde occidental, hein, sur le plan politique. Non, non, c'est. Oui, Non, parce je. que partout en Europe, de toute façon, il y a cette tendance. C'est un Non, peu mais plus marqué dans malheureusement, en certains France, pays. nous avons le malheur d'avoir Malika Le Pen à la tête du Rassemblement National, le Alors, vous gouvernement du êtes parti. méchant avec Marine Le Malika? Pen. Pourquoi vous l'appelez Malika, déjà? Ah bah, je peux vous dire, j'ai eu l'idée de lancer ce nom, qui était repris avec beaucoup de talent par le rappeur dissident, Tout à fait, on lui passe le bonjour. parce que je me suis dit, on a flingué Alain Juppé avec beaucoup d'efficacité en l'appelant Ali Juppé. Tout à fait. Vous savez, en politique, il faut avoir des formules choc, qu'on répète. La politique, c'est comme la pédagogie, c'est un art de la répétition. Alors j'avais trouvé, d'abord, il y a quelques années, le funeste Philippot. J'ai répété, c'est le funeste. J'avais même trouvé, pour les amateurs de BD, j'avais trouvé cette formule. Le funeste Philippot est le talon d'Achille de Marine Le Pen. Vous n'avez jamais lu le. Oh là là! Il faut lire Achille Talon. Hein. Achille Talon, oui, Achille d'accord. Talon, Ah eh oui. ben, le funeste dans Achille Talon, le D'accord, personnage. ok. Oh là là, il faut tout vous Bah expliquer. oui, j'avais pas fait le Le rapport. funeste Philippot est le talon d'Achille de D'accord, ok, Marine Le j'avais pas Pen. compris le jeu de Écoutez, mots. quand même, J'avais pas compris le jeu de mots, c'était un peu pas. Enfin, c'est une plaisanterie, quoi. désolé. Et bon, et alors le funeste, bah, écoutez, à force de matraquer, bah, ça aboutit au résultat que vous savez, c'est-à-dire qu'il est parti. Bon. Maintenant, Mais je me suis dit, elle est tellement immigrationniste, il faut tellement ouvrir les yeux aux gens, c'est hallucinant. Écoutez, on explique aux militants, aux adhérents du Front National ou à ses électeurs quel est son programme, quelles sont ses idées. Ils ne vous croient pas, on leur met engagement. Est-ce que vous connaissez l'engagement numéro 26 du programme de Marine Le Pen? Non, je connais pas tous ces engagements, pas par cœur. Mais c'est le seul qu'il faut connaître. Parce que les gens, ils s'imaginent que Marine Le Pen est contre l'immigration. Bon, alors nulle part, il est question de l'immigration, bien entendu. Mais surtout, son engagement numéro 26 est le suivant, solde migratoire positif, 10 000. Le solde migratoire, c'est la différence entre les entrées et les sorties. C'est X les entrées, moins Y les sorties. Moi, je veux que ce soit négatif. Ça veut dire plus qu'ils partent que. S'il y en a 200 000 qui partent, il faut qu'il y en ait qui partent spontanément. Il faut qu'il y en ait zéro qui rentre. Mais moi, je veux qu'il y en ait, par exemple, 50 000 qui rentrent chaque année, plutôt d'Europe que d'Asie ou d'Afrique, et puis 250 000 qui partent, pour avoir un solde négatif de 200 000 par an, vraie immigration. Elle veut un solde positif. Donc elle ment aux Français quand elle dit qu'elle est contre l'immigration. Elle leur ment, délibérément. C'est dans son programme, vous pouvez Oui, vérifier, sur le site du Front National, engagement numéro 26, solde migratoire. Alors les gens confondent, alors les gens sont tellement crédules, naïfs, incultes. Il voit 10 000 par an, il dit ah, c'est pas beaucoup 10 000 par an, c'est bien, c'est presque la. Non, c'est le solde. Elle veut un solde, c'est-à-dire que les sorties, c'est presque 200 000 par an, donc ce qu'elle veut, c'est 210 000 entrées. C'est monstrueux, c'est une supercherie totale, c'est une imposture. Cette bonne femme est un imposteur total, enfin écoutez. Les gens croient qu'elle est contre l'immigration, elle ne l'est pas. Et moi, je veux que les gens comprennent ce qu'il en est. En plus, écoutez, vous voyez, regardez ce qu'elle vient de faire. Un gars s'est disputé dans le métro avec un immigré congolais. Il a eu une phrase malsonnante. Ça n'a aucune importance. Elle le vire immédiatement. Ah, c'est ce qui a été filmé, oui, j'ai vu. Elle le vire immédiatement. C'est scandaleux, écoutez. Alors, elle aurait pu lui dire, bon, pourquoi est-ce qu'une injure, d'ailleurs, serait plus grossière parce qu'elle serait raciste? Écoutez. Ouais, mais parce que si elle le garde, elle pourra pas faire un Vous faire papier de télé injurier, sans qu'on lui rappelle ça. est-ce qu'il est plus désagréable d'être traité de sale nègre ou de sale merde? Moi, à la limite, je préférais sale nègre à sale merde, hein, excusez-moi, mais je trouve que l'injure sale merde, c'est pire que sale nègre. Hein. Enfin, merde, c'est plus universel, c'est pour ça. Alors, sale merde, c'est une injure cosmopolite. C'est parfait, on peut dire sale merde, c'est pas grave. Mais en revanche, sale nègre, alors là, on est On va le voir plus. comme Vous ça. voyez l'aberration. L'idée que sous le prétexte qu'une injure, qu'une agression, etc., a un caractère raciste, elle serait plus grave pour autant, c'est une absurdité cosmopolite. L'antiracisme, c'est le masque du cosmopolitisme. L'antiracisme est le poison qui détruit la France en la livrant à l'immigration. Non, mais elle ne pouvait pas objectivement Si. conserver. Bah, Bah. tous les jours, on va lui rappeler, dès qu'elle va faire une émission de télé. Ah, bah oui, vous avez Mais monsieur. Stéphane Bannon lui venait de lui dire, écoute, ça n'a aucune importance. Voilà ce qu'elle devait dire. Mais je m'en moque, ça n'a aucune. Moi, ça passe, c'est ce que j'aurais dit. Je m'en moque. Il dit, écoutez, c'est une échange de mots d'oiseaux, ça n'a aucune importance. Je m'en moque. Ça, son père, il l'a peut-être fait, mais pas elle, quoi. Bah, non, mais bien entendu. Alors, moi, c'est ce que j'aurais dit. Je m'en moque. Je ne dis pas qu'il a eu raison. Je n'approuve pas les injures, qu'elles soient racistes ou non. Mais je suis désolé. Il faut dire, ça n'a aucune importance. Le gars s'est échauffé, il a une injure qui est sortie spontanément. C'est aberrant de le virer pour ça. Vous direz ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que c'est sûr que ça va commenter beaucoup sur ça. Alors, oui, dans votre programme aussi, il y a certaines mesures qui. Alors, vous parlez d'interdire la pornographie, mais je me demande comment vous allez faire avec Internet, ça va être extrêmement compliqué. Alors, Parce attendez, il que. faut distinguer le principe et son application. La pornographie a été, c'est un des crimes commis par Giscard d'Estaing. Elle était interdite jusqu'en 1975 et Giscard l'a autorisée. Je ne sais pas si c'est parce qu'il était consommateur de produits pornographiques, mais en tout cas, il l'a autorisée. Alors, la pornographie, ça détruit la famille, ça détruit la jeunesse. C'est terrible. Je ne suis pas pour qu'on institue un régime puritain. Mais enfin, écoutez. Ce n'est pas normal qu'un enfant puisse en trois clics arriver sur un site de vidéo pornographique où il assiste à des partouzes. C'est répugnant. Notre jeunesse est salie en permanence. Moi je dis, revenons à la législation d'avant 1975. Voilà. On ferme les sex-shops et tout, on finit. Oui, bien sûr, il faut les fermer. Ouais. Mais alors pour les sites Internet, bon, on les filtrera. On les filtrera. La Chine réussit bien à filtrer ce genre de sites pornographiques. Ouais, mais ça n'a pas suscité, vous savez très bien que le pays qui consulte le plus sites pornographiques, c'est le Pakistan, je pense. C'est-à-dire là où précisément, justement, on veut empêcher qu'ils s'y rendent. Je Est-ce ne que ça connais. ne va pas produire des effets contraires, en fait, tout Je ça? non, non, ça n'aura pas d'effet contraire, ça, c'est une plaisanterie. Non, non, non. Écoutez, je ne dis pas que ce sera facile de filtrer les sites pornographiques, ce ne sera pas si difficile que ça. Déjà, d'ailleurs, si les parents qui avaient des enfants, qui ont des enfants avaient Oui, il y a des des filtres sur les logiciels de ordinateurs. filtrage, ça serait déjà une bonne chose. Déjà, Déjà, Hein. ça. Il faut interdire la pornographie qui détruit la société, qui détruit les couples, qui détruit les ménages, qui détruit la famille. Non, c'est une infection cosmopolite, la pornographie. La pornographie est une des illustrations du cosmopolitisme, vous voyez. Un des points d'application, cette idéologie. Partout mondial. Alors, vous parlez de racisme républicain. Ça, j'ai pas compris à quelle notion, à un moment dans votre programme, vous Ben, dites, attendez! c'est quoi le racisme Mais républicain? je n'ai pas besoin de répéter. Je Ah, vous ai c'était cité ça. Jules Ferry, je vous ai cité De Gaulle, et je vous ai cité aussi, je crois, D'accord, dans ce sens-là. Marx D'accord. d'Ormois, Ok. et je vous ai cité Édouard Herriot. C'était des républicains. Et ils étaient racistes au bon sens du terme, sans haine et sans reproche. Autrement dit, si vous voulez, il y a des gens qui disent, ben moi, je vais me dire racialiste, ça n'a aucun sens. Parce que si vous dites racialiste, ça veut dire que vous reconnaissez que ce n'est pas bien d'être raciste. Mais c'est quoi Or, raciste alors? ben, La j'explique une question différence de avec définition. racialiste alors, parce que Mais on... non, je récuse le terme de racialiste. Moi, je dis, il faut dire, ce qui est mal, c'est la haine raciale, comme toute forme de haine sociale. La haine, c'est mauvais, c'est un mauvais, vilain sentiment. Donc, moi, je n'ai, à titre personnel, je n'ai aucune haine pour quiconque. J'ai des ennemis politiques, je n'ai pas d'ennemis privés. L'ennemi politique, je n'ai pas de haine pour lui. Je le combats parce que c'est de la politique. C'est la différence en latin entre hostis et inimicus. Nous avons un seul ennemi. Un seul mot pour ennemi en français. En latin, il y a deux mots. Hostis, c'est l'ennemi public. Inimicus, c'est l'ennemi privé. Alors moi, je n'ai pas d'inimicus, mais j'ai des hostis, ou des hostesses au pluriel. Donc, il ne faut pas avoir de haine. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Dans une société multiraciale, la haine raciale naît inévitablement. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles il faut la réémigration, c'est pour réduire les tensions et donc les haines raciales. Mais en revanche, le racisme positif, c'est le racisme républicain de Jules Ferry. Il consiste à dire, premièrement, les races existent. Deuxièmement, la couleur de la peau n'a pas d'importance, mais la race en a beaucoup. La race, elle intervient dans le fond génétique de la population. Et notre identité, elle est fondée, elle repose sur le socle qui est notre fond génétique. Car la société, c'est un système bioculturel. Il y a une interaction entre la culture et le fond génétique. Et donc, le racisme positif, qui sans rien ne se reproche, consiste à reconnaître l'importance de la race, et plus généralement du fond génétique dans l'identité, et d'avoir une conscience de race, c'est-à-dire de dire oui, je me sens plus proche des gens qui ont la même race que moi que des gens qui ne l'ont pas. Je n'ai pas de haine à l'égard de ceux qui ont une race différente, je dis qu'ils sont plus différents de moi. Oui, d'accord, c'est qu'ils sont différents, mais est-ce que vous y mettez une notion de quoi, d'échelle de valeur de supériorité? Parce que c'est ça qu'on Moi, je reproche. mets ma nation au-dessus des autres nations. D'ailleurs, je pense que je n'ai pas d'effort à faire. La France est peut-être actuellement en mauvais point, mais la civilisation française, l'histoire de France, est très au-dessus de toutes les autres sociétés et civilisations qui ont existé dans le monde. C'est prodigieux ce que nous avons fait, dans tous les domaines. Il y a des domaines, l'architecture, on peut dire l'Italie est égale à la France. La musique, l'Allemagne et l'Italie sont égales à la France. Dans des domaines où nous sommes vraiment les meilleurs, la cuisine. Aucun pays n'atteint la cheville de la cuisine, si j'ose dire. Aucun cuisinier du monde, enfin, aucune collectivité de cuisine dans le monde n'est à la cheville de la cuisine, des cuisiniers français. Bon. Et ainsi de suite. Donc nous avons une civilisation française d'exception, absolument d'exception, et je pense que la moindre des choses, c'est de cesser de dénigrer la France. Il faut admirer la France, admirer ce que nos ancêtres ont fait. Il faut se répéter le mot de Bernard de Chartres, qui a été répété de nombreuses fois dans l'histoire, notamment par Pascal, qui disait « Nous sommes des nains juchés sur les épaules de géants. » Il faut accepter le progrès, mais en ayant la reconnaissance à l'égard de tous ceux qui nous ont précédés. qui nous ont fait ce que nous sommes. Oui. C'est parce que nous avons une dette envers nos ancêtres que nous devons agir pour que la France redevienne ce qu'elle est. La réimmigration n'étant qu'un aspect. Oui, parce que vous voulez renouer avec la grandeur de la France. Donc ça, c'est très important, la grandeur de la France. Ah oui, la France est grande, et malheureusement, elle a élu un minuscule avorton, qui est Micron. Ben alors, dans ce cas, il fallait mieux voter pour Marine Le Pen, non c'est... Non. En théorie. Bon, écoutez, si vous voulez savoir, les 11 candidats étaient à peu près tous mauvais, mais le moins mauvais, c'était Fillon. Oui, parce que vous appelez à voter Fillon. D'ailleurs, j'allais vous poser une question. C'est très simple. Oui. Écoutez, je vous dis d'abord qu'il n'y avait que 11 candidats. Ils étaient tous mauvais. Fillon était mauvais, mais moins que les autres. Son programme était assez bon. Bah, c'est le même programme que Macron, sincèrement. Parce que ça, vous ne le connaissez pas, il n'était pas du tout le même que Macron. Macron, d'ailleurs, avait un programme. Il parlait de Macron, Macron, c'est fillonisé au niveau du programme. Il a pris les ordonnances, Non, mais ça n'a rien à voir, ça. Les lois de travail. La mise en œuvre. Oui, mais Macron ne fait que des réformettes que les médias, qui sont unanimement servis à son égard, ont mis en vedette, alors qu'il n'a pratiquement rien fait. Et son programme était vide, il n'y a rien dans son programme. Bah, il applique ce que lui demande l'Union Européenne, libéralisation du marché du travail, il est en train de vendre la SNCF, ADP, etc. En fait. Non, mais ça c'était fait avant lui. Les privatisations partielles qu'il fait, c'est fait avant lui, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs, il en fait un peu plus. Ce qu'il a fait sur le code du travail, c'est epsilon, c'est négligeable, c'est rien. Rien. C'est un cotère sur une jambe de bois. Moi, ce que je propose, je vous ai dit, la formule provocante, c'est brûler le code du travail. Mais la véritable proposition que j'ai faite dans mon programme, elle est plus précise. Elle consiste à dire, c'est très simple. En fait, je ne touche pas au code du travail, je permets simplement au contrat de travail d'y déroger. Donc le code du travail devient indicatif. Et lorsqu'un individu signe un contrat de travail avec un employeur, il devient salarié, l'employeur négocie avec lui un contrat de travail qui peut reprendre le code du travail ou qui peut y déroger. Et s'il y déroge, ça peut donner des choses aussi. Ça va être quoi le cadre de la loi? Moi, je vais dire, c'est libre. Je vous engage, vous êtes payé 1 € de l'heure et vous travaillez toute la nuit et le dimanche et les jours fériés. S'il y a du travail pour encadrer, j'aurai le droit. Mais c'est la liberté, oui, vous aurez le droit de le faire, mais moi, j'aurai le droit de ne pas accepter. C'est le principe du contrat, c'est la liberté, mais vous êtes contre la liberté individuelle. La liberté individuelle, c'est le droit de propriété, c'est la liberté de contracter librement. On ne peut pas. Il peut y avoir des cas d'abus de faiblesse, si on a un individu qui est un peu débile mental, etc. Bon, là, c'est différent. Mais dans le cas normal, habituel, un individu libre et conscient, il cherche le contrat de travail qui est le meilleur pour lui. Et il peut le refuser. Parce que, oui, je peux le refuser, mais bon, souvent... Liberté. Souvent, vous savez très bien que quelqu'un qui va être, par exemple, qui sera déjà embauché, et parce que cette possibilité-là, elle donnera aussi l'opportunité au patron de changer aussi les conditions. Et donc, dans ce cas... Ah ben non, le contrat, c'est le contrat. Il pourra licencier. Si le contrat le prévoit, d'ailleurs, si le contrat le permet. Mm-hmm. Parce qu'après tout, il peut y avoir un contrat qui interdisent le licenciement. Par exemple, vous, les fonctionnaires, vous pouvez donner le droit de les licencier aussi Il existe en théorie, mais il faut l'appliquer. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas licencier les fonctionnaires. Moi, je licencierais tour de bras. Enfin, pas sans motif. Hein. Il y a beaucoup de fonctionnaires qui font des choses épouvantables et qu'on ne licencie pas. Ça, c'est absolument pas normal. C'est scandaleux. Et aussi, par rapport à l'imposition, puisque vous vous inscrivez dans cette ligne libérale, penser que, par exemple, les indépendants, les entrepreneurs indépendants, on devrait leur ficher la paix avec l'administration, etc. Il faut simplifier. Parce que ça, c'est un côté Fillon, c'est vrai. Il faut simplifier, il faut réduire considérablement les contraintes. Mais c'est aussi, dans la simplification, c'est l'allègement du code pénal. Vous savez que depuis des années, les parlementaires ne se sentent heureux que quand ils créent un nouveau délit. Ils inventent des délits tous les jours. Mais le délit de harcèlement, il ne devrait pas y avoir de délit de harcèlement. Il y a déjà des délits... d'injures, d'agressions. Pourquoi est-ce qu'il y aura il peut y avoir des mesures disciplinaires, oui, dans une entreprise. Mais le gars, harcèlement, non. Injures, oui, il met la main aux fesses, agression, crac, puni. Mais harcèlement, ça veut dire que le gars qui fait la cour à une femme, il peut être poursuivi pour harcèlement, ça n'a pas de sens. dans notre société de pénalisation à outrance qui porte atteinte aux libertés et qui fait que le juge s'occupe de tout. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, donc je supprimerais beaucoup de délits si je pouvais. Ouais. Oui, vous êtes pour supprimer. Notamment, tenez, un des exemples, une atteinte à la propriété incroyable, chers auditeurs. Si vous voulez faire un virement un peu important, monsieur a une fille qui se marie. Il veut lui faire un bon virement pour qu'elle puisse s'acheter un appartement. Mais c'est son argent. Et le banquier va lui dire non, prouvez-moi que vous avez le droit de faire. Quel est le motif de votre virement? Aujourd'hui, à cause de la loi sur le blanchiment, les banquiers se permettent de refuser ou d'accepter les opérations financières que vous faites avec votre propre argent. Vous êtes dépossédé de votre propriété. Alors, on va d'une part de plus en plus contre l'argent liquide pour que les gens, tout soit payé par monnaie électronique. Et en même temps, on donne aux banquiers un pouvoir sur ses clients de refuser les opérations qu'il fait à cause de la loi sur le blanchiment. Pour empêcher, paraît-il, les opérations délictueuses. Mais on a déjà une loi sur le recel et une loi sur la complicité. On n'avait pas besoin d'autre chose. Autrement dit, si un banquier est complice d'un trafiquant de drogue, on peut lui dire, vous devez signaler à la police, à TRACFIN, ou TRACFIN, je ne sais pas comment on prononce, des opérations douteuses. Ça, je veux bien qu'il y ait une obligation de dénonciation, je veux bien. Mais pas de s'opposer à une transaction financière. On a un compte en banque, on est propriétaire de son argent, on a le droit d'en faire ce qu'on veut. On devrait, là je décris l'idéal, on devrait. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les libertés, aujourd'hui, on ne se rend pas compte, on est pratiquement plus libre de rien. Il n'y a guère que la liberté d'aller et de venir qui est encore préservée. Et encore pas dans tous les quartiers. Hein. donc les Français ne se rendent pas compte à quel point ils sont dépossédés de leur liberté. Hein. C'est absolument incroyable. Hein. Mais, il faut restaurer la liberté en France. Elle est atteinte de partout. Et je ne dirais même pas par de bonnes intentions. Non, ces législateurs qui multiplient l'interdiction sont liberticides. Ce sont les mêmes, par exemple, ceux qui ont voulu le mariage pour tous. Mariage pour tous, c'est vraiment une expression mensongère. Le mariage elle était toujours autorisé pour tous. Personne n'était interdit de mariage. Donc le mariage pour tous, c'est une expression de désinformation. Donc, c'est le mariage entre personnes de même sexe. D'accord. Qui est contraire à la définition du mariage dans le littré. Le mariage, c'est l'union légale entre un homme et une femme. Mais ça se fait au nom de la liberté, leur argument principal. Quelle liberté? La liberté de se marier, la liberté... Mais non, mais pas du tout. La liberté, personne... Alors en plus, on vous dit... Mais les gens sont désinformés. Ils vous disent que c'est en 1981 qu'on a dépénalisé l'homosexualité. Mais pas du tout. L'homosexualité est dépénalisée depuis 1790. Alors pourquoi cette loi de 1981 de Mitterrand? Attendez, la Mitterrand, elle a fait simplement pour effet de réduire la différence qu'il y avait entre la pédophilie hétérosexuelle et la pédophilie homosexuelle. Donc, c'est-à-dire, autrefois, lorsqu'un adulte se livrait, avait une relation sexuelle, avait une liaison, des relations sexuelles avec un mineur, la peine était plus lourde si c'était homosexuel. Bon, moi je serais assez partisan de garder cela, de revenir à cela, mais en tout cas c'est simplement cela qui a changé Mitterrand, rien d'autre. En revanche, l'homosexualité, entre adultes consentants, n'a jamais été interdite. Elle était interdite théoriquement sous l'Ancien Régime, avant la Révolution française de 1789, mais ça n'était pas appliqué. On appelait ça les chevaliers de la Manchette, ils faisaient ça comme ils voulaient, donc en fait c'était très théorique. Donc en fait l'homosexualité en France a toujours été libre. Légalement depuis 1790 et de fait toujours. Bon. Donc le sujet n'est pas là que les gens sont libres. L'État n'a pas à s'immiscer dans l'intimité des gens. Ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent. Le droit n'est pas la morale. Que l'on soit pour ou non moralement l'homosexualité, c'est une chose. Mais les gens doivent rester libres. En revanche, le mariage est une institution qui a été créée pour la famille. C'est l'institution qui assure la famille et qui est faite pour assurer la propagation de l'espèce et le renouvellement des générations. Donc jusqu'à preuve du contraire, deux personnes de même sexe ne peuvent pas avoir des enfants ensemble. Sauf par la technologie aujourd'hui. Pas ensemble. Alors, c'est pas ensemble, effectivement. C'est pas ensemble, mais c'est la technologie leur permet en tout cas d'acheter des enfants, voilà. Se faire faire par un autre. Oui. Donc l'institution du mariage, qui est attaquée depuis Pompidou d'ailleurs, de toutes les manières possibles, eh bien, il faut la restaurer. J'ai aussi des propositions sur le sujet. Hein. Ouais. Je ne les ai pas vues sur le mariage, mais je compte sur vous de toute façon pour étoffer votre programme, vous l'avez dit. Alors, vous dites aussi, est-ce que pour vous, il y a une différence entre un nationaliste et un patriote? C'est quoi? Et s'il y en a une, quelle est-elle? Alors, comme disait mon maître Pareto, les mots sont des étiquettes pour désigner les choses. Mais en politique, il faut faire très attention aux définitions. Et moi, je refuse de distinguer patriote et nationaliste. Alors, en théorie, si vous voulez, le patriote, c'est la patrie. Et la patrie, c'est un terme plus vague. La nation, c'est la France. Mais la patrie, ça peut être la patrie locale. Moi, je peux dire j'ai une patrie bretonne, une patrie versaillaise, parce que je suis un breton immigré, si je puis dire, à Versailles. Donc le terme de patriote est plus vague. Mais sinon, quand on pense à la patrie française, c'est exactement la même chose. Et c'est une grave. C'est comme tout à l'heure à propos de racisme. Les gens qui disent il ne faut pas dire raciste parce qu'il faut se dire racialiste, sont des une sottise. Il faut se dire raciste dans le bon sens du terme, sans haine et sans reproche. De même, là, il faut se dire nationaliste dans le bon sens du terme. Non, pas nationaliste belliqueux. Dès lors qu'on défend la nation, on est nationaliste. Pour moi, De Gaulle était nationaliste, autant que Maurras. Et le vocabulaire est important. Donc je dis, oui, je suis nationaliste, libéral, démocrate, républicain. Populiste. Traditionnaliste, identitaire. Populiste de droite, oui. Identitaire, vous avez rajouté. D'ailleurs, on vous reproche ça. Alors, on vous reproche, je lui dis, ce sont des milieux royalistes où j'entends souvent des critiques sur votre personne à propos justement de votre républicanisme. Et qu'on me dit, mais de Lesquin, c'est un républicain, il ne comprend pas, il reste dans. Et voilà, en plus, vous êtes plutôt pas hostile aux francs-maçons, donc voilà, Je suis hostile à l'action de la franc-maçonnerie aujourd'hui. Si. Ah si. Parce que j'ai vu plutôt certaines de vos déclarations qui allaient dans le sens, bon, que la franc-maçonnerie, après tout, c'était une. Non, je renvoie encore à mon article, mais non, mais aujourd'hui, il y a. Dans le système politique actuel, il y a une superclasse mondiale qui domine le monde, qui impose l'idéologie cosmopolitique ou cosmopolite. Le cosmopolitiquement correct, c'est plus précis que le politiquement correct. Le cosmopolitiquement correct. Et elle est représentée en France par cette oligarchie cosmopolite qui domine la France, laquelle s'appuie sur trois coteries. Les Anglais disent lobby, moi je dis coterie, mot français. Trois coteries majeures, d'autres coteries bien sûr. Vous savez, Maurras parlait, je ne suis pas maurassien, mais Maurras parlait des quatre États confédérés. À mon avis, c'était une erreur de parler d'État, il fallait parler de coterie. Et c'était les Juifs, les francs-maçons, les protestants et les métèques. Alors, les métèques, pour moi, ils peuvent être individuellement très néfastes, comme Valls ou Hidalgo, qui sont des métèques au sens français du terme, ils sont des étrangers venus en France. Mais ils ne font pas une coterie. Les protestants ont été très puissants en France, mais aujourd'hui, le protestantisme, pour lequel j'ai beaucoup de respect, surtout pour celui de Jean Calvin, qui était un grand français, ne représente plus une force organisée très puissante. Donc il reste en revanche la coterie juive, le CRIF. Et on voit la puissance de la coterie juive lorsque toute la classe politique se précipite à faire allégeance au CRIF, qui est le Conseil suprême des Juifs de France, qui est complètement communautariste et qui fait allégeance complète à l'État d'Israël. Le CRIF est une organisation communautariste entièrement dévouée aux intérêts d'un État étranger, en l'occurrence Israël. Donc il est anti-républicain. Donc c'est un scandale absolu que le président de la République et les autres. Et tous ses ministres vont se défiler, faire allégeance devant M. Francis Khalifa. Alors, il y avait le califat islamique, nous avons le califat judaïque. Ils ont fait exprès pour le nom c'est une blague. Et la franc-maçonnerie, aujourd'hui, joue un rôle essentiellement négatif, depuis pas mal d'années. Hein. Alors, elle a toujours joué un rôle négatif sur un point évident, c'est le combat contre le christianisme, contre l'Église catholique, pardon. Oui, mais en plus des évolutions sociétales. Mais aujourd'hui, depuis les années 60, elle joue un rôle catastrophique sur l'évolution dite sociétale, c'est-à-dire la décadence complète, l'euthanasie, l'avortement. Parce que vous êtes contre l'avortement, mais c'est d'une loi de Simone Veil qui est d'inspiration maçonnique, comme la loi sur la laïcité, comme la loi mariage homosexuel. Donc, sur le plan historique, je pense que l'action de la franc-maçonnerie a été extrêmement négative, mais je suis obligé de remarquer que les francs-maçons de la Troisième République à la bonne époque, c'est-à-dire essentiellement d'ailleurs avant 1914, ils étaient nationalistes. Hein? Alors, ils avaient le gros défaut d'être anti-chrétiens, anti-catholiques plutôt. Mais ils étaient nationalistes. Donc ils n'étaient pas entièrement mauvais. Aujourd'hui, ceux que nous avons sont cosmopolites. Pas tous. J'ai connu, si vous voulez, ce qui m'empêche d'être totalement catégorique, c'est que j'ai connu des francs-maçons éminents, qui étaient vraiment des gens de droite, et très bien, j'en ai connu au moins deux. Raymond Bourgine, qui était le patron de l'ordre actuel, et d'autre part, Louis Powells, qui avait créé le Figaro Magazine. C'était des gens vraiment à droite, qui étaient francs-maçons. Donc on trouve tout à la franc-maçonnerie. Hein. Il ne faut pas simplifier. Alors pour ce qui est du royalisme, écoutez, j'avais été invité en 1992 par l'Action française de Pierre Pujot à l'époque. C'était un colloque contre Maastricht. Nous étions une dizaine d'orateurs, j'étais le seul qui n'était pas royaliste. Nous étions tous contre Maastricht. Alors écoutez, j'ai dit, voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait envoyé aux Français, à tous les électeurs français, le traité de Maastricht. Je l'avais lu, je ne suis pas sûr que beaucoup l'aient lu. Et j'ai brandi le traité de Maastricht. Et j'ai dit, écoutez, je dis Maastricht comme une masse et une trique. Hein. Et j'ai dit, écoutez, regardez à la fin, messieurs, qui a signé le traité de Maastricht? Les chefs d'État et de gouvernement. C'est-à-dire 7 ou 8 monarques héréditaires. La reine d'Angleterre, la reine des Pays-Bas, le roi des Belges, le grand-duc de Luxembourg, le roi d'Espagne, la reine du Danemark et le roi de Suède. Ils ont tous signé. Ils ont tous signé un traité qui aboutissait à l'abolition de la souveraineté nationale. Alors je dis, à quoi ça sert d'avoir des rois? À quoi ça sert? C'est la même question que je leur pose, mais je sais pas. À quoi ça sert? Écoutez, alors il dit, le roi Baudouin, il était génial. Écoutez, le roi Baudouin, il a monté une manœuvre pour laisser passer la loi sur l'avortement. Il a dit, je refuse de la signer. Au lieu de ça, il a abdiqué provisoirement pendant un jour pour qu'on puisse faire passer la loi. C'est grotesque, écoutez, c'est lamentable. C'est un manque de courage, une hypocrisie totale. Il aurait dû refuser. L'avortement, c'est un infanticide in utero. L'enfant existe dès la conception. Dès lors que le spermatozoïde a rencontré l'ovule, il y a un œuf fécondé qui contient le génotype du futur enfant, enfin de l'enfant, pardon. Du futur enfant après la naissance, de l'enfant qui va naître et qui est là, déjà. Il a son identité, son génotype, il a son âme. Donc c'est déjà un meurtre. Et le pire, c'est que ce meurtre est commis par la mère, la propre mère de l'enfant, qui décide de le tuer. Alors aujourd'hui, je ne jette pas la pierre à celles qui le font, parce qu'elles croient que c'est... On leur explique à longueur de temps que ce n'est qu'un amas de cellules, qui ne verra, que c'est une opération comme arracher une dent, etc. Non ! Non, maintenant, madame, non, mademoiselle, si vous avez un enfant, il est à vous, c'est votre enfant. Et vous ne devez pas le tuer. Alors, en cas de viol, la morale veut, ou voudrait, que la mère garda l'enfant, quitte à l'abandonner ensuite, pour ne pas garder l'enfant du violeur. Mais là, je pense que la loi devrait interdire l'avortement, sauf dans le cas du viol. Parce que même si moralement, elle devrait le garder, on ne peut pas lui imposer. Moi, je dis, écoutez, une femme qui a été violée, on ne peut pas lui imposer la double peine de garder en plus neuf mois l'enfant du violeur. Donc je dis, légalement, on l'autorisera, bien que moralement, ce soit... le droit n'est pas la morale, donc je crois qu'il faut accepter quelque chose qui aille contre la morale pour des raisons évidentes, parce qu'on n'a pas le droit d'imposer à une malheureuse qui a été violée. Mais c'est exceptionnel, enfin, je veux dire, le cas où il y a viol plus conception, ce n'est quand même pas très courant. Hein. Mais est-ce que dans un cas où, par exemple, parce que là, on est quand même en Europe maintenant, où on est obligé de prendre en compte nos voisins, parce que finalement, même la loi de Simone Veil à l'époque, elle était due au fait que beaucoup de femmes allaient se faire avorter dans les pays voisins, en Belgique, en Suisse, aux Pays-Bas, partout c'est autorisé. Et est-ce que on va pas revenir à la même situation, parce que quand bien même, Si. donc elles vont aller à Mais vous l'étranger se faire plaisantez. avorter. Ouais. Si l'avortement est interdit, l'assassinat est interdit, que je sache. L'avortement est un assassinat. Si vous allez assassiner votre enfant après la naissance en Belgique, ça reste un assassinat répréhensible en France. C'est pas parce que la mère a tué son Ah enfant à ouais, d'accord. l'étranger qu'elle n'est pas, on ne peut pas la poursuivre, on doit la poursuivre en France. Et pour éviter les jurés populaires, moi je propose de restaurer la loi, le code pénal de 1810. L'avortement est un crime, mais il doit être jugé par des magistrats, pas par le peuple, qui risque de faire trop de démagogie, en l'occurrence. Des magistrats spécialisés pour ce crime. Voilà. Et il faut évidemment que lorsque la loi sera faite, que les gens soient prévenus que désormais on n'avorte plus. Parce que clairement, Sauf deux cas, le viol ou la mise en danger de la vie de la mère. si Ou de la santé de la mère. les femmes aujourd'hui et ces idées sur l'avortement, elles sont largement avancées dans la société, c'est dû au fait de la déchristianisation. Puisque dans une Ouais. société très chrétienne, et C'est très lié. oui. Mais l'Église a été lamentable. En 1975, 1974, elle ne s'est pas opposée. L'Église française a été lamentable. Elle n'a rien fait pour empêcher le passage de la loi Veil. Décrépitude complète de l'Église française. Ça continue aujourd'hui. Hein. Enfin, de l'Église française. Ne parlons pas du pape. Ne parle pas du pape. Enfin, parlons-en si vous voulez, mais c'est dramatique. Pour un catholique comme moi, c'est dramatique de voir ce que quel pape nous avons. Quel clergé nous avons. La fameuse Quel, église quel, bah, il y a de très conciliaire. bons prêtres, hein, mais les évêques aujourd'hui, à quelques exceptions près, il y a de très bons évêques, mais c'est la minorité, ce sont des cosmopolites complets. Quand ils sont chrétiens, d'ailleurs, souvent Ouais, mais est-ce que le catholicisme, il n'est pas un peu fondamentalement cosmopolite parce qu'il est universel au fond le catholicisme et cette universalité, le catholicisme, il se veut volontairement, par exemple, hors des races. Par définition, le Christ accueille tout le monde, il se préoccupe pas des races, il accueille tous les humains de la planète. Donc est-ce que cet universalisme justement du catholicisme, il n'est pas une porte d'entrée du cosmopolitisme? une porte d'entrée pour l'hérésie. Parce que l'universalisme, catholique veut dire universel, mais universalisme, c'est celui de l'incarnation. Avec un petit i, avec un grand i. L'incarnation, c'est le fait que Jésus, fils de Dieu, il est né dans un peuple particulier, qui était le peuple juif de l'époque. Qui n'a pas grand-chose à voir avec les juifs d'aujourd'hui, hein, je le signale. Et donc, écoutez, c'est un bon exemple. Jeanne d'Arc, elle a été canonisée. Jeanne d'Arc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné sa vie pour pouter les étrangers hors de France. Alors les étrangers en question, qui étaient-ce? Des Anglais. Les Anglais, qui étaient des Européens, qui étaient de race caucasoïde, Complètement. comme les Français, et qui étaient catholiques à l'époque. Il n'y a pas encore eu le schisme Oui, et catholique l'hérésie. et beaucoup parlé français en Non, non, elle parlait moins français à l'époque de Jeanne d'Arc. Au plus. début de la guerre de Cent Oui. Ans, oui. Mais on ne va pas aborder. En tout cas, c'était des étrangers catholiques, européens, de race caucasoïde. Mais ce n'est pas des Français. Donc, vous voyez, l'anticosmopolitisme de christianisme, de l'Église catholique, se vérifie dans ce personnage extraordinaire qui est Sainte Jeanne d'Arc, qui a été canonisée. Donc l'Église a reconnu que son combat pour sauver la France était catholique, universaliste de l'incarnation. Le cosmopolitisme n'est pas vraiment un universalisme, parce que l'universalisme, par définition, c'est l'idéologie ou la philosophie ou la conception qui dit que les valeurs sont universelles. Et ça, moi, je crois que c'est incontestable. Je crois qu'à un certain degré d'abstraction, toutes les valeurs sont universelles. C'est-à-dire qu'elles sont partagées par toutes les sociétés, tous les hommes et tous les esprits intelligents particuliers, s'il y avait des esprits intelligents particuliers qui n'étaient pas des hommes, d'une autre planète, vous voyez. L'exemple que j'aime bien citer, parce que c'est le plus simple et le plus clair, c'est l'exemple du voile islamique. Pourquoi y a-t-il le voile en terre d'islam selon le précepte du Coran? Parce que c'est dans le Coran. Eh bien, par pudeur. Autrement dit, il y a, dans le cas du voile, conflit entre deux valeurs, la pudeur et la liberté. Liberté pour la femme de s'habiller comme elle veut, et obligation de ne pas exciter les hommes. Bien. Et au fond, ce qui distingue les sociétés, qui créent leur identité, ce qui distingue aussi les civilisations, ce n'est pas les valeurs auxquelles elles adhèrent, parce que les valeurs sont les mêmes, elles sont universelles. C'est la manière dont elles résolvent les conflits de valeurs, dont elles hiérarchisent les valeurs. Donc en islam, dans l'Orient islamique, on donne plus d'importance à la pudeur que chez nous. Mais cela dit, la pudeur, ça existe aussi en Occident. Bien On n'a sûr, pas ouais. le droit de se promener tout nu dans la rue. Vous comprenez? Bien sûr, Et on ne devrait pas avoir le droit de se promener seins nus comme le font les femmes. Donc la pudeur, ça existe, mais la pudeur est moins forte chez nous qu'elle n'est en terre d'islam. Donc il y a deux valeurs, pudeur et liberté, qui sont reconnues dans les deux sociétés, mais qui se combinent autrement, que l'on hiérarchise autrement selon les cas particuliers. Et c'est ça qui fait la différence entre les deux sociétés. Donc ce qui fait la différence, ce ne sont pas les valeurs, c'est la hiérarchie des valeurs. hein. C'est ça qui fait l'identité. C'est intéressant ce que vous dites. Très intéressant. On arrive à la fin, parce que je vois l'heure qui avance, qui avance. J'ai encore. Je vais voir vite fait si il y a des questions. Ça se passe sur le chat soldat direct. Voilà, sur le Discord. Voilà, question pour le direct. Ah bah évidemment, les questions, on en a beaucoup. Alors je vais en prendre quelques-unes, c'était évident. Alors, on me dit, peut-on voir une forme de contradiction possible entre la loi Guesso et la soi-disant liberté d'expression républicaine actuelle? Bah, de toute façon, vous vous êtes un peu pour éliminer Bah, toutes ces attendez, lois mémorielles, hein, c'est bon. la réponse est évidente. La loi Guesso, alors la loi Guesso est une monstruosité juridique. La loi Guesso du 13 juillet 1990, donc qui était proposée par le communiste Guesso, interdit de parler librement de la question de la Shoah des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on a jeté en prison un militant révisionniste, Vincent Renoir, qui est obligé de s'exiler pour ne Tout à pas fait. aller en prison. C'est incroyable. C'est le seul cas. Il n'y a aucun autre cas. Alors, c'est une loi raciste, parce que ça ne s'applique que à la Shoah des Juifs. On peut dire ce qu'on veut de la Shoah des Arméniens, de la Shoah des Ukrainiens, de la Shoah des Vendéens. On peut dire qu'elle n'a pas eu lieu, on peut dire ceci, on peut dire cela. C'est libre. Liberté et je trouve ça très bien, liberté de recherche historique. Et pour ce qui est de la Shoah des Juifs, on n'a pas le droit de dire, librement. On n'a pas le droit de, on a créé un délit d'opinion qui impose une opinion historique qu'on n'a pas le droit de contester. C'est monstrueux. La vérité en histoire, comme dans la science, elle doit s'imposer par la libre discussion. Si les gens veulent dire que la Terre est plate, ben qu'ils disent que la Terre est plate. Et on leur donne des arguments pour leur dire que la Terre est ronde. On va pas les jeter en prison parce qu'ils disent que la Terre est plate. Alors, Bon, voilà. mais cette loi est dramatique. Alors, en plus, le tribunal de Nuremberg est un tribunal constitué par les vainqueurs pour juger les vaincus. C'est quand même pas les meilleures conditions de l'impartialité. Tribunal qui rappelait dans ses statuts dit qu'il n'aura pas apporté la preuve. Le Il pourra tribunal disait considérer preuve tout qu'il ce qu'il veut. n'a pas à considérer, à être tenu par les règles habituelles de la justice en matière de preuves. Ce tribunal a dit 6 millions de juifs assassinés dans les camps de concentration. Bon. Alors, si je dis 5 500 000, est-ce que je suis révisionniste? Est-ce que je tombe sous le coup de la loi? Ou est-ce qu'on va me dire, ah, mais vous tuez une seconde fois les 500 000 que vous aviez dans la statistique? Ça n'a pas de sens. Donc, c'est une loi monstrueuse qu'il faut abroger. La liberté d'expression, elle doit avoir des limites, puisque je propose, bien sûr, il faut prévoir des condamnations pour injure et diffamation, bien entendu, ce qui existe depuis la loi du 20 juillet 1881, mais il faut revenir à cette loi républicaine, justement, du 20 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Et supprimer tout ce qu'on a rajouté. Et en particulier la loi Pleven et la loi Guesso. Et la loi Guesso, qui est une monstruosité juridique, je le répète, monstruosité juridique parce qu'elle interdit une libre discussion en matière historique. Donc, liberté d'expression totale en matière historique et scientifique. D'accord, qui a fait le chou gras des associations antiracistes. C'est une honte. Alors, Dites antiraciste. Hein, dites antiraciste, parce oui. qu'elles ne le sont Oui. même pas. Oui. Je vous signale que la LICRA, qui est la plus connue, Oui. est une association communautariste et raciste. Moi, j'ai demandé au sinistre Jakubowicz, ancien président de la LICRA, président d'honneur, je lui ai dit, mais vous vous dites antiraciste, mais est-ce que vous rejetez le Talmud, le livre saint des Juifs, qui tient les non-juifs pour des bêtes? Le saviez-vous? Le Talmud tient les non-juifs pour des bêtes. Oui, je le savais, oui, Le grand rabbin Obadiah Yosef, grand rabbin d'Israël, a expliqué, vous pouvez vérifier ça sur la notice Wikipédia en anglais, en français c'est plus expurgé, que les non-juifs, les goyim, comme ils disent avec mépris, sont assimilables à des ânes. Et que les non-juifs, enfin je dis comme vous et moi, peut-être que vous êtes juifs, je ne sais pas. Non, il failli paraître Bon, des origines. alors les non-juifs, comme moi, peut-être comme vous, sont assimilables à des bêtes. Et qu'ils ne sont nés que pour servir les juifs. C'est le grand rabbin Obadiah Yosef, grand rabbin d'Israël, le meilleur interprète du Talmud qui dit ça. Mais c'est monstrueux. D'accord. Mais c'est monstrueux. Alors moi, je veux bien qu'on se dise antiraciste et qu'on commence par dénoncer ce racisme juif invraisemblable. Mais C'est pire que le racisme de Hitler, parce que Hitler ne disait pas que les juifs étaient des bêtes. Hein. Ah, mais quand on voit bien que les Juifs, ils ont une emprise quand même sur le monde médiatique, politique, etc., Non, qu'ils mais. sont absolument presque intouchables. Enfin, intouchables au sens où dès Il ne qu'on. doit pas y avoir de discrimination dans ce sens. Celle-là est illégitime. Je veux dire, il n'y a pas de raison que les malheurs qui sont arrivés aux Juifs soient mis à part des malheurs qui sont arrivés aux Slaves, qui sont arrivés aux Vendéens, qui sont arrivés aux Ukrainiens, et ainsi de suite. Malheureusement, dans l'histoire, le génocide est fréquent. Donc je ne vois pas pourquoi on montrait en épingle un génocide parmi d'autres. On peut parler de tous avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de désolation, parce que c'est atroce. Mais ne pas. Autrement dit, la loi Guesso, qui est la loi qui protège la religion de la Shoah, c'est une loi contre le blasphème et l'hérésie par rapport au dogme de la religion de la Shoah, cette loi Guesso est une loi raciste, parce qu'elle met à part ce qui est arrivé aux Juifs de ce qui est arrivé aux autres victimes de génocide. Ah, mais je comprends parfaitement, d'autant plus que, enfin, vous avez déjà. Attendez, mais attendez, attendez, on ne parle jamais de la Nakba. Alors, la Nakba, c'est peut-être pas 6 millions, mais enfin, c'est 700 000 Palestiniens arabes qui ont été virés du jour au lendemain pour ne pas se faire massacrer. Ils sont partis affolés par les massacres que les sionistes juifs étaient en train de perpétrer. Bon, beaucoup sont morts. Hein. Est-ce que les gens, on leur parle tous les jours de la Shoah, mais jamais de la Nakba? C'est la Shoah des Palestiniens. La chose des Palestiniens, oui, tout à fait, la Nakba, je peux te prévenir. Alors bon, ce n'est pas 6 millions, d'accord, mais c'est quand même beaucoup. Est-ce que aussi, c'est pas le fait que la communauté juive, un peu bon, mondiale, mais elle a pris, en fait, à son propre profit et par exclusion, en fait, façon un peu exclusive, tout l'historique de la Seconde Guerre mondiale. Parce que moi, je me rappelle, même de mes souvenirs d'enfance, avec encore voilà, mes grands-parents, mes anciens, mes grands-oncles et grandes-tantes, qui, eux, avaient vécu la Seconde Guerre mondiale, et qui m'en parlaient, voilà, constamment, mais sans pré-mentionner les Juifs. Ils me parlaient des prisonniers dans les camps, Bien enfin, c'était entendu, global. bien Et là, entendu. ça a Mais glissé. attendez, attendez, mais c'est une propagande. Alors, effectivement, les organisations juives et l'État d'Israël ont vu un grand avantage à exploiter les souffrances des juifs. Et ils l'ont fait de manière extravagante, en créant ce qu'on appelle, je ne suis pas l'inventeur de la formule, une religion de la Shoah. Qui est aujourd'hui, alors que nous sommes théoriquement un État laïque, en France, il y a une religion officielle, qui n'est pas nommée, mais qui est quand même la religion officielle, c'est la religion de la Shoah. Avec ses cérémonies, la cérémonie du Vel'Nil, ainsi de suite. Bon. Et c'est contre la laïcité. Ce qui fait la religion, c'est le sacré. Et la religion de la Shoah, c'est sacré. Si vous avez le malheur de dire, ah non, ce n'est pas 6 millions, c'est 5 millions 500 000, je n'ose même pas évoquer les thèses des révisionnistes. Alors là, c'est un blasphème, c'est affreux. Alors d'abord, on vous met en prison. Mais même si vous ne m'avez pas imposé, si vous dites ça dans un dîner en ville, les gens vous regardent comme si vous aviez commis un blasphème contre la plus pure des religions. Non, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, on me demande, est-ce que dans votre esprit, il existe une hiérarchie des races? Et si oui, laquelle? Bien sûr qu'il y a une hiérarchie des races, mais ça dépend des points de vue. Par exemple, pour la course à pied, les Congoïdes sont nettement supérieurs. D'accord. Donc oui, chacun ses qualités en gros, vous pouvez dire, c'est ça? Non, mais alors, je voulais dire autre chose. Je prends un exemple plus ambigu et plus intéressant. L'art. Arthur de Gobineau, qui a écrit un essai sur un grand livre pré-scientifique, c'était avant le développement de la biologie du 19e siècle, qui s'appelle L'essai sur l'inégalité des races L'inégalité des humaines. races humaines. Bon, c'est prodigieux. Encore une fois, ce n'est pas scientifique, c'est pré-scientifique, mais c'est rempli de fulgurance. Eh bien, il dit, non, pour la sensibilité artistique, les Congoïdes sont supérieurs. Il dit les nègres, hein, ils sont supérieurs. Et en fait, c'est ce qui explique d'ailleurs la beauté du jazz, parce que la beauté du jazz, en fait, c'est une musique métisse, le jazz. C'est la sensibilité des Congoïdes avec La technologie que ça la fait, c'est ça? technique, bon, enfin, et puis le cerveau occidental aussi. Le cerveau. Donc, quand je parle de la musique nègre, qui est un des arts nègres les plus importants, je vous rappelle qu'il y a eu un festival des arts nègres à Dakar, hein, organisé par Léopold Sédar Senghor, l'apôtre de la négritude, président du Sénégal. Oui, parce qu'à l'époque, le mot nègre était accepté. Il Aujourd'hui, était il est. revendiqué, il était revendiqué par les Africains de race congoïde. Et par les Antillais de race congoïde comme Aimé Césaire. Et donc, dans ces arts nègres, le plus beau, le plus important des arts nègres, je crois, ce n'est pas la sculpture, c'est la musique nègre. Mais la musique nec, ça va du sommet qui est le jazz, et je me tue à répéter à ceux qui me disent « mais vous parlez de musique nec, c'est méprisant ». Pas du tout. Il faut être sourd pour ne pas sentir la beauté du jazz. Le jazz, c'est une musique très belle. À mon avis, elle n'atteint pas le niveau de la musique occidentale, classique. Mais c'est une musique remarquable, très belle. Et au dernier niveau, le plus bas, il y a le rap. Vous voyez? Donc il y a toute une hiérarchie. Mais il faut être, je parle du jazz, mais il faut être aussi sourd pour ne pas sentir la beauté du blues ou des negro spirituals. Bah oui, la soul, voilà. Je veux dire, bah, parce que... La musique nègre est chargée de sexe, d'obscénité. Elle est sexuelle et obscène de part en part. Même le jazz. Ouais, mais pas, alors, quand vous avez dit cette déclaration, vous savez que beaucoup de gens se sont heurtés, ont été choqués par votre propos sur la musique nègre. En fait, vous avez dit la musique nègre est une musique qui appelle au sens de la sexualité chez l'homme. C'est évident. Ouais. Vous savez ce que veut dire jazz ? En argot noir américain, le sperme. D'accord. Non, je sais pas. Et savez-vous ce que veut dire rock'n'roll ? Ah bah, bouge-toi ou un truc comme ça. Rock'n'roll, c'est aussi de l'argot américain. Ça veut dire, excusez-moi mesdames, ça veut dire baise et jouis. Baise et jouis, d'accord. Ça ne veut pas dire balance-toi et roule, non, ça veut dire baise et jouis. Non mais ça, je veux bien, d'accord, à la limite, je veux bien entendre. Alors voilà, non mais attendez, mais il suffit d'entendre le rythme. Le rythme, ce qui caractérise la musique tech, c'est le rythme. Le rythme est très fort. Et ce n'est pas le rythme, c'est pas le rythme de la cadence des marches militaires. C'est le rythme du coït. Je n'ai plus rien, c'est comme ça. C'est très sexuel. Même la musique nègre la plus élaborée, le jazz, qui est superbe, il est imprégné de sexualité. D'accord. Même quand, le jazz, justement, du Miles Davis, vous pensez que c'est de la sexualité C'est évident, ouais. Non mais c'est très beau. Mm-hmm. Non mais attendez, il peut y avoir aussi de la sexualité dans la musique classique occidentale. Mm-hmm. Mais c'est très prégnant dans la musique nègre. À cause du rythme. Parce que dans la musique, il y a le rythme, la mélodie, l'harmonie. Mm-hmm. Dans le jazz, on retrouve tout ça, bien sûr. Mais le rythme, c'est rare que le rythme ait tellement d'importance dans la musique classique occidentale. Peut-être dans Carmina Burana, pas ce qu'on fait de mieux dans le genre. Karl Orff. Mais dans la musique nègre, le rythme est toujours là, obsédant et sexuel, implicitement sexuel. D'accord. Bon. Ça va encore plaire. Allez, je reprends les dernières. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore ? Monsieur de Lesquin, ne pensez-vous pas qu'il est utopique de penser que des étrangers ou des sans-papiers partiront d'eux-mêmes en supprimant les aides sociales ? N'y voyez-vous pas plutôt un risque d'instabilité, voire de guerre civile ? Entendez-moi bien, je ne dis pas qu'il ne faut rien entreprendre au nom d'une pseudo-paix sociale, mais préconisez-vous comme mesure en amont des changements aussi brutaux ne me semble pas réaliste. C'est-à-dire que lui, il se pose la question, est-ce que finalement ce sera suffisant ? Parce que quand vous dites on va supprimer les aides sociales, mais imaginons qu'ils se mettent en route une solidarité entre toutes ces communautés, puis que finalement, entre guillemets, ils arrivent à passer au-dessus de ces mesures-là, quoi, parce que... Vous savez, l'État est très puissant. L'État, quand il veut vous prendre vos impôts, il le prend. Ah oui. C'est une question de volonté politique. Et pour les immigrés illégaux, écoutez, c'est un scandale. Quand on est vraiment républicain comme moi, on n'accepte pas que la loi républicaine soit bafouée. Un immigré illégal, c'est quelqu'un qui n'a pas le droit d'être là. Donc il viole la loi. La loi lui interdit d'être là, en France. Écoutez, vous avez chez vous quelqu'un qui rentre sans autorisation par la fenêtre. Vous le trouvez chez vous. Vous allez lui donner à manger en lui disant « t'as bien fait de rentrer, etc. mais je me prends ma femme, elle saute dans le lit avec elle. » Enfin, je lui dis « non mais attendez, c'est du cordelisme. » Donc il est normal de supprimer toutes les aides sociales aux immigrés illégaux. C'est aberrant qu'on leur en donne. Donc ça c'est une mesure immédiate. Ça me paraît du bon sens. Surtout que vous, par exemple... Alors la loi est, comme son nom l'indique, hors la loi. L'immigré illégal, il est hors la loi. Il devrait être hors la loi, et donc il n'a pas le droit d'être là. Il est hors la loi, il ne faut rien lui donner. Sauf un coup de pied dans le cul. Oh, vous n'êtes pas sympa, dis-donc. Bon. La charité chrétienne. Oh. Non, mais écoutez, la charité chrétienne n'empêche pas qu'on donne à ses enfants parfois une fessée quand ils ont fait une bêtise. C'est vrai. Alors, justement, comme on arrive à la fin... C'est quoi votre ambition ? Vous allez vous présenter à la présidentielle, c'est ça ? Écoutez, il est trop tôt pour le dire. Trop tôt pour le dire. Puis, les grandes difficultés, c'est l'objectif du parti quand même. Parce que votre parti, c'est quoi l'objectif ? C'est quand même de fédérer tout ça, c'est ça ? Bah, écoutez, fédérer les forces, je on va pense dire. Que l'objectif, c'est de supplanter le Front National, hein, et d'être un parti de droite qui s'alliera avec d'autres partis. Mais moi, je suis pour un vaste rassemblement, et l'action est à la fois politique et métapolitique. Il s'agit de faire bouger les idées, de faire que les gens ouvrent les yeux. Vous pourrez vous asseoir, vous, à la table d'un CNR avec d'autres personnalités qui sont... Attendez, j'ai bien appelé à voter pour Fillon, écoutez. Oui. Alors franchement, non. Oui. Ce qu'il faut, c'est comprendre que le clivage droite-gauche n'est absolument pas dépassé. Moi, je suis de droite, pas d'extrême droite, attention. Je suis libéral, démocrate et républicain. Mais je pense que la droite doit s'allier avec le centre-droit et avec l'extrême droite. Il faut que la droite ait, pour l'extrême droite, la même sympathie de principe que la gauche a pour l'extrême gauche. Alors, je suis libéral, démocrate et républicain, mais je ne ostracise pas, je ne couvre pas d'anathème ceux qui ne sont pas démocrates, parce qu'ils sont royalistes, qui sont même théocrates. Ils ont tort, à mon avis, mais c'est ça, c'est la liberté d'opinion. Et je dis simplement que ceux qui sont vraiment à droite, mais plus à droite, méritent le respect. Voilà. Ils sont excessifs, mais ils méritent le respect. Et moi, je rêve d'une situation comme celle de la Hongrie. La Hongrie, le parti de Viktor Orban, parti Fidesz, doit faire 40% des voix, il est majoritaire au Parlement. Mais il a sur sa droite un parti beaucoup plus à droite que lui. Le Fidesz, c'est quand même le parti qui met des barrières de fil de fer barbelé à la frontière, qui ne veut pas d'immigrés, etc. Bon, qui combat Soros, le grand pape de la supercasse mondiale, George Soros. Il a un parti à la droite de lui qui s'appelle le Jobbik, qui doit faire 15 ou 20% des voix. Donc, si vous voulez, c'est comme si le vrai Front National de Jean-Marie Le Pen avait 40% des voix, et qu'à sa droite, il y aurait eu, disons, l'œuvre française de Pierre Sidos qui aurait 15% des voix. Ça, c'est la situation politique, moi, j'exagère à peine, qui prévaut en Hongrie. Mais c'est ça l'idéal. Moi, je voudrais qu'il y ait un parti d'extrême droite, un vrai parti d'extrême droite, qui aurait 15% des voix, et un grand parti de droite, raisonnable, le Parti National Libéral, par exemple, qui aurait 40% des voix. Un peu comme aussi la configuration autrichienne, où on a un grand parti de droite et le FPO qui représente l'extrême droite. Le FPO est plutôt, c'est pas un parti d'extrême droite, hein, c'est un parti populiste, mais tout à fait modéré. Hein. Non, ce sont les autres médias, pas Patriote Info, qui le qualifient d'extrême droite. Ouais. Enfin, j'espère. Ah oui, non, je ne suis pas d'extrême droite. D'accord. Non, mais je dis que... Le parti FPO, Parti de la Liberté, n'est pas d'extrême droite. D'accord. Il est populiste. Populiste, d'accord. Populiste de droite. Alors, aussi une petite dernière question. Votre logo avec l'horloge. NL. Oui, ça signifie quoi le logo avec l'horloge que j'ai vu sur le site? C'est surtout NL. C'est, en fait, ça représente pour trouver dans un rond les deux lettres N et L, comme national libéral. Ouais. Alors, ce qui est drôle, c'est que nous avons retrouvé cet emblème sur les murs de Louvre. LN, NL. Parce que c'est Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III. D'accord. C'est pratiquement le même. Alors, nous n'avons pas fait exprès. Il y a une différence. La barre horizontale du L est plus longue chez Louis-Napoléon Bonaparte que chez nous. Mais on retrouve la même chose. Vous voyez. Et je pense qu'un logo, enfin un emblème, c'est très important. De Gaulle avait la Croix de Lorraine. Nous avons l'emblème NL, avec le cercle avec les trois couleurs, bleu, blanc, rouge. Oui, la cocarde. Et le N et le L imbriqués. D'accord. Bon, c'est parce que je n'avais pas compris. Écoutez, on arrive à la fin de cet entretien. Merci Patrick Dorf. Merci beaucoup Henri de Lesquin. Merci d'avoir joué le jeu, d'être forcément venu. Et ça nous fait grandement plaisir. Surtout que vous avez dû régaler tout un tas de gens qui nous regardent. Je veux dire merci à la régie. Merci aux auditeurs. Certainement, merci aux merci auditeurs. Merci à la régie. Voilà, qui nous regarde. Merci à Patrick Dante. Ah merci bien. Je vais me faire beaucoup d'amis encore, forcément, parce que si vous regardez ce message, j'espère que la régie elle est prête, que je ne fasse pas de bêtises, c'est parfait. Donc forcément, si vous regardez ce message, forcément, c'est que vous êtes de la résistance quelque part. Merci bien, au revoir, ciao.